gusta que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa que no pase las horas. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta hasta La Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos con la tapa y en chancleta. Que se pique algún día, le muestres en Tayrona. Después no querrá. Descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si te que algún día le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Allez, allez, on prend l'antenne, on arrête la le musique là. À partir de 22h, c'est Guillaume Radio 2.0. Radio Vendredi sur Énergie. Allez, retour sur Énergie. Bonne nuit, les gars. Putain, j'en avais marre. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. 23h59, il nous reste une minute. On en profite avec Eric. Les DR ouais. Sales avec votre partenaire. Je crois que demain, on commencera plutôt le cul. Hein, putain. Ça manque. Ah, là, 2h, c'est trop tôt, là. C'est trop court, là. Putain. Bon, mon copain, il a voulu goûter son propre sperme. Après, alors après lui avoir fait une fellation, s'est embrassé. Résultat horrible et fou rire. Voilà. Ah, ouais. Après, il a essayé, quoi. Coucou, Guillaume, je te demande pourquoi tu termines à minuit maintenant et plus à 1h. Désolé de remuer quelque chose. J'ai peut-être pas envie d'en parler. Non, non, pas du tout. Mais en tant qu'auditrice depuis 5 ans, j'aimerais savoir, c'est tout simplement parce que j'ai la voix qui casse de plus en plus. C'est comme un muscle, et de temps en temps, il faut prendre des petits cachets pendant genre 2-3 mois et parler un petit peu moins. Et quand je fais 3 ou 4 heures le dimanche, je sais que je saigne de la bouche et tout la nuit. Donc pendant un an, on va faire 2 heures et après, on reprendra un petit peu plus. Après, avec plaisir quoi. Je vais essayer, déjà fait un délire un peu sale ou pas? Ouais, plein. J'avais un délire avec une meuf, elle me nettoyait à la fin de l'amour en fait. J'enlevais la capote et elle me nettoyait à la fin de l'amour. En fait, bonsoir. C'était sale ou quoi? Non, c'est un délire nettoyer. C'est nettoyer que, quoi. J'enlevais la capote, on a passé la boule de bain. Non, c'est vrai. Non, passer la boule. Pas la boule de bain, mais je passais au rinçage quoi. Elle me rinçait. Non, à la bouche. Elle enlevait la bouche tout en fait. Tu l'as chez quoi? Bah la bite. D'accord. Ouais. J'enlevais la capote et elle nettoyait comme ça. Après, j'avais pas à me prendre de douche. Par merci. T'avais pas à te prendre. Ça n'empêche pas la douche. Ouais, non, mais j'ai des clients. On se lèche pas. Ah, mais pour se nettoyer, nous ne sommes pas des chats. Oui, mais c'est un délire avec la fille, tu vois. Voilà. Un arrangement. Qu'est-ce qu'il y a, Flo, des cadeaux? Il est malade. Mais non, mais ça va, c'est ma pas non plus. Je me lèche, donc j'ai pas besoin de me laver. Mais non, mais des fois, t'as la flemme quand il fait. C'est tard. Ah, il est crado. Hein. Non, mais pas crado. Tous les matins, alors. Ah ouais, mais bon. La salive, ça la. Non, mais c'est agréable à la fin, par contre. Ah ouais, c'est très agréable. Non, alors vraiment. T'enlèves le truc. Moi, j'ai rencontré une fille. Je sais pas. Moi, je vais vous dire. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais une meuf pendant quelques temps et tout ça, une fois quoi, un soir. Et en fait, elle m'a fait un truc qui était extraordinaire, c'est exactement ce que t'as dit. Ah bah tu vois. Et m'a sucé par un fait d'amour. Ouais. Mais elle était, tu sais, genre, je venais de ça, et après tu te mets sur le lit et en fait, en te câlinant et me léchait. Ah, c'est fantastique. Elle enlève les pires. C'est extraordinaire, non mais vraiment. Ouais. Surtout quand elle te suce et que tu bombes pas. Ouais. Et c'est vraiment, un peu mou, mais tu non, mais après. C'est hyper agréable. C'est vraiment une sensation. C'est marrant, c'est la seule qui me l'a fait. J'ai essayé de la réinviter. Ah, c'est rare, les filles. Ah, ouais. En fait, j'avais une meuf à l'époque et du coup, elle m'a pu parler. Voilà. Ah merde. Elle ça arrive. Mais ça savait, en plus, elle savait, mais en fait, elle voulait que je la quitte et j'ai vu qu'un soir. Donc je lui dis, attends, non. Ouais. Bah, c'est la seule fois que j'ai trouvé une fille dans ma vie, donc c'est cette histoire que j'avais jamais racontée. Guigui de la régie, ça y est ou pas? Ça y est ou pas? Non, est-ce que ça y est? Toujours pas? Ah non, j'ai pas touché encore. Non, il a pas encore touché. Il a pas goûté. Mon Guigui de la régie, faut vraiment qu'il le fasse. Ah ouais? J'ai pas touché. Il a pas encore goûté au sexe, alors vraiment, c'est. Tu nous le diras quand tu le fais. Ah oui, mais on reviendra. T'es sur Tinder un peu, comment tu chines là? Non, mais ouais, tranquille, truc de rencontre, tout ça. Ah, et alors? Ça rencontre ou pas, non? Pas des masses. Ça match des masses, pas des masses. Ça match un peu, mais ça va jamais plus loin. Ah, c'est vrai, mais ça va passer le permis déjà, Guigui de la régie. Ouais, déjà, on va faire ça, après, tranquille. Tu pourras te déplacer. En deux temps. En deux temps. Mais on va faire une petite fête et tout, on va laisser ça. Tu vas faire une petite fête, ouais. Pour le permis? Ah, c'est là que tu penses. Pour la meuf, pour la meuf. Non, le permis, c'est pas très grave. Mec, il veut tout passer d'un coup. Le permis, il veut niquer le même jour. Il fait 10 ans, il attend tout, il a tout passé le même jour. Non, mais c'est possible, hein. Ah bah oui, non mais. C'est, on, tu peux niquer. Oui. L'inspectrice. Sans problème. Non, mais tu peux niquer. Mais attends, et pourtant, avec toutes les applis qu'il y a et tout, là, tu vas nous faire le plaisir de. Ah non, mais j'essaie. Ah oui. Ah non, je suis en recherche, mais. Il n'y a pas match. Mais c'est bien le code pour rencontrer les filles. Franchement, c'est super. Ah, c'est vrai, ouais. Il y a des mecs. J'aime du standard, il rencontre du jour. Tu parles de n'importe où, il a poste. Les colis, les bésimones, ça, c'est. Tu mets dans l'enveloppe, mais désolé. Tu sympathises avec les filles et tout. Ah, c'est génial. On sympathise partout. Ouais, au code. Tout est bon pour niquer. C'est vrai, véridique. Hein. Ouais. T'as déjà niqué au code? Je me suis pris un râteau, mais. C'est super, merci. Là, j'aime ça, ça commence toujours bien aussi, mais ça termine. Elle m'a mis un râteau. J'ai un stagiaire, déjà, pareil, de dire ça, c'est se faire sucer après l'amour. J'aime du standard. Ouais, j'aime bien moi aussi me faire sucer après l'amour. Mais je te montre, c'est une autre histoire, pas la même. Oh, l'homme qui sert à rien. Raconte-moi un truc qu'on n'a pas raconté avant. Le mec, il sert qu'à dire. Ah, moi aussi, j'adore. Non, non. Ah, le code, c'est très bien pour niquer. Le code, putain, c'est là que je ken grave. Je sais pas si c'est ça, mais c'est un peu trop un truc chelou. C'était fist anal. Merci. Ouais, voilà. Mais non, t'en as pas fait un. T'as déjà fait? Ouais. Je te crois non, pas, je te jure. Ça y est? Non, c'était il y a quelques temps. Mais t'as payé ou pas, moi? Mais non. T'as mis ton poing dans un cul entier? Ouais. Mais jamais de la vie, ça rentre. Ouais, ça. Non, mais ça, c'est l'avantage de sortir avec des gens démembrés. Hein. Non, mais le problème. Il est sorti avec des. Ils sentaient pas, avec des femmes qui sentaient plus leur corps. Mais non. Non, mais genre dans le sens. Qui avait largement pris, quoi. Ouais, un doigt, deux doigts, trois doigts, arrivé au moins. Dans les fesses. Il y en reste deux, bah t'as qu'à faire, ouais, je te jure. Dans les fesses. Ouais. Eh, pareil devant, quand tu as fait devant après. Non, mais devant, ok. Mais... Ouais, là, je parlais. Avec des femmes qui s'étaient marrant. Ah, ben oui, hein. J'avais fait mon tour avant. Ah ouais. J'avais fait la place. Obligé. Ah, j'ai une vision là de J.M. Sandard. Ah ouais. Il faisait Jeff Manaclock. C'est à peu près ça, ouais. On aura Jeff Manaclock d'ailleurs dans l'émission. Ah ouais. Ouais, il va venir co-animer avec moi un soir, on va bien rigoler. Avec lui et Jean-Marc, hein, du coup. Jeff Manaclock et Jean-Marc. Ah, Marionnette. Moi, j'ai une minute 5. Moi, je vous fais un gros bisou. Eric, on reparle de ça demain. Tu veux bien revoir l'émission avec nous, qu'on parle de trucs sales dès 22h? Ah ouais, trop bien. Y'a pas de problème. On reparlera de fils d'anal. Je vais m'inviter chez toi directement. On en parle. De quoi? Non, c'est bon, t'inquiète. Non, t'inquiète. Non, mais ouais, ça me dérange pas. Hein. Tu sais, on est chez nous, hein, le soir, là, hein, à la maison. On parle de fist. J'ai besoin là, tu nous expliqueras le fist, hein, demain. Ouais. Avec plaisir. Anal, je veux les détails. Ah, bah... Tu me le notes sur la conduite demain. Ouais. On note fist anal. Ah, ouais, tu me le mets en ouverture d'émission. Je le note sur les doigts de la main. Voilà. Et je mettrai une musique. Tu le notes sur quoi? Sur les doigts de la main. Oh là là là. Oh le lourd. La lourdeur. La lourdeur. Bonne nuit, j'aime le sandal. Avec plaisir, Guillaume. Bonne nuit. Bonne nuit, à demain. À demain, j'ai stagé. À demain, Guillaume. Salut, bonne nuit. À demain, Guillaume. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, Julia. Bisous, tout le monde. Dors bien. Allez, bisous. À demain, Flo des Calos. À demain, bonne nuit. Dormez bien, tout le monde. Je vais essayer avec Mickaël. Tu m'entends, Mickaël? Yes. On a parlé du fils d'anal de JM du Standard. Ah, nous sommes tous choqués. Ouais. C'était l'heure de partir. J'ai fisté quelqu'un. Ouais. J'ai entendu ça, j'ai regardé l'horloge, j'ai vu qu'il était minuit. J'ai compris. JM du Standard à partir de minuit devient dangereux. Ah ouais. Pour ça, je rentre direct après. Si une petite phrase pour Mickaël, JM du Standard. Ça va, Mickaël? Ah. Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. C'est hyper intéressant ta discussion. Ouais, grave. Merci. Ce mec, il te met une ambiance sur un plateau sympa. Ça va, Mickaël, et toi? Très bien, merci. Ouais, super. Pas une petite phrase sur le fiston, rien du tout, non? À quel tour? Non. Pas ce soir, parce qu'après, ils vont encore se sentir persécutés. Ouais, ça va. Ah putain. Bon, bah écoutez, kiffez bien, les gars, et puis on se retrouve demain. Bon, ça roule. Bonne nuit. Ciao. Bonne soirée, bonne nuit, les gars. Ciao. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. La route. Confortablement installé dans sa Mustang Shelby noire. Tough est là dans son autolib recouvert. Normal, c'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, le veto, il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Je t'ennuie déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, il y a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Et oui, on est là, bonsoir tout le monde, minuit 7. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Est-ce que vous êtes à l'aise? Ça va complètement. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, Amina. Non, bah absolument rien. T'es à l'aise ou t'es pas à l'aise? Je suis très très à l'aise. Eh bah, tant un mieux, peu trop parfait. Même. Eh bah voilà, alors c'est parfait. Non, je dis ça évidemment car on est là jusqu'à 4h ce soir. Polo qui va nous mettre bien évidemment avec c'est vrai. Bah, ses conseils sur les femmes. C'est vrai, vous savez, je suis un grand séducteur, j'ai voyagé à travers le monde. J'ai pécho de la meuf en voiture, en voilà. Sur tout. Qu'est-ce qu'il y a pour tout regarder comme ça? Non, mais c'est. Je m'ai essuyé dans les cheveux des femmes, oh, de nombreuses. Toutes les formes de chevelure, qu'elles soient frisées, raides ou. Ou sans cheveux d'ailleurs, même sans les cheveux aussi, moi, tout, sur le crâne, voilà. Quelle que soit la couleur de la fille, si vous voulez la pécho, n'hésitez pas à une seule chose, mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente. Voilà, et voilà, Amina merci. Évidemment confirme ses, oui. Ses propos, bien non, entendu. Merci Amina, des conseils sponsorisés par Satanas, hein, ouais. Aucun problème. Par Satanas. Il n'y a pas de Satanas. Oh là là, tant qu'il va encore se faire insulter évidemment ce soir avec ses appels mal intentionnés, bien entendu. D'accord, gros bâtard. Voilà. Je te promets que je vais t'attraper et te brûler vivant, moi, c'est de mort. Mais ta gueule, teuf de mon cul, oui. Et le meilleur, hein. Moi, j'accumule mon poutou sur le cul de ta mère, fille de pute. Évidemment. Nouveaux appels mal intentionnés, donc on va faire tout à l'heure dans moins de 30 minutes. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, bah faites-le, hein, comme d'hab, sur le mail de Toff. C'est anonyme, bien sûr. Si vous connaissez des gens, hein, que vous voulez piéger, hein, que ce soit des amis qui s'énervent vite ou même des ennemis qui s'énervent vite aussi, envoyez les numéros sur le mail de Toff. C'est toph@energie.com. Bon, on va prendre également Steven qui est avec nous. Salut Steven, de Chartres. Comment ça salut, va? Salut, ouais. Ça va, tranquillement, ouais, journée fut bonne, à la cool quoi, à la cool. Il y a Seba qui est au standard, hein, c'est notre problème, ouais, c'est à l'aise. D'ailleurs, si vous voulez passer en direct à l'antenne là, comme Steven, n'hésitez pas à composer dès maintenant le 01 40 71 5000. Et si vous êtes en Belgique, vous pouvez faire le 02 703 0071. D'ailleurs, il y a un message qui est arrivé aussi par SMS, hein. Vous pouvez envoyer Mickaël et votre message au 612. C'est le même numéro pour la France et la Belgique. Il dit, c'est quand tu veux pour un plan dodo, tout en douceur et tout en respect, Amina. Ah, oh, les plans dodo, mignon. C'est ce que je préfère. Moi. Voilà, c'est comme nice. Ça, elle est à la cool, c'est quoi. C'est, oui, c'est. Bah, Polo, lui, il préfère s'essuyer dans tes cheveux, mais non, après. Non, mais ça va pas ou quoi? Bah, quoi? Personne ne parle de mes cheveux. Non, mais tes cheveux, façon de parler. C'est une texture intéressante, j'aimerais bien la tester. Ok, Jacques Desange. C'est pour la science, c'est pour la science. Et puis tu verras, ça nourrit le cuir chevelu. Ah, bah, ouais, il paraît raison, en plus, ouais. Il y a Thomas aussi sur le Facebook, il dit salut Mickaël. Non, c'est sur SMS. Comment allez-vous? Moi, je suis à l'aise en vous écoutant. Coup de pelle à Mina. Avec merci. Plaisir. Et Jules sur Twitter, bien sûr qu'on est à l'aise avec vous pour finir la soirée. Et Caro qui dit bonsoir à toute l'équipe. Ravi de vous retrouver comme chaque nuit. Et ben ravi que tu sois là également, Caro. Hashtag Mickaël sur le Twitter pour balancer vos messages. Et n'oubliez pas, évidemment, hein, que bah, qu'il y a tout simplement l'iPhone qui est à gagner sur le Facebook de l'émission. Si vous voulez tenter votre chance, si vous voulez bah, venir, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez gagner cet iPhone, on tirera au sort jeudi soir. Vous balancez ça sur le Facebook, donc M-I-K-L officiel. On va parler de quoi avec toi, dis-moi, Steven? Bah, moi, je reviens pour l'histoire d'hier, là, pour ce. Quand il y a les mauvaises aventures, quand on se cassait des choses en faisant du sport. Mais mec, on n'a rien compris. Je n'ai rien compris, Steven. C'est un rébus, ça, c'est un puzzle. Attends, on va remettre tout dans l'ordre. Ou alors que Seba peut comprendre, lui, il comprend les trucs comme ça. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a mis à l'antenne, il a tout compris. Voilà, bon, raconte, Steven, qu'est-ce que tu veux? C'est à propos d'hier soir, les mauvaises aventures. Pour se casser des ampoules, quand on se cassait des jambes. C'est des doigts. Ah oui. Non mais hier soir on parlait de si vous étiez déjà si vous avez déjà fait de la merde en faisant du sport, genre vous étiez voilà, pété un bras ça. Tout ça. D'accord. OK. Et quoi, tu veux réagir 24 heures après toi? Bah ouais, t'es un peu long toi. Ça, bon. T'as bah, pas appelé hier soir. Ah bah oui, mais il y avait du monde, il y avait bah, du coup Seba il s'est dit c'est pas grave, je vais le rappeler aujourd'hui. Bon, et bah très bien. Bon, et bah écoute, impeccable. Et qu'est-ce qui t'est arrivé toi, Steven? Bah en fait j'étais parti en boîte avec mon meilleur ami. Ouais. Et s'appelle comment? Je sais pas, on s'en fout. Ah, il s'appelle Jesse. Il est génial, comment, bon, on est bien. Pourquoi t'es intéressé Polo? Mais non, mais il faut toujours. Moi je pense que pour l'imaginaire c'est important de savoir à quoi il ressemble. T'as envie de te le pécho, c'est ça? Qui ça? Bah son meilleur ami. Mais non, je suis pas homosexuel. Ah bah je sais pas, on avait homophobe, l'impression. Pardon, faut pas dire ça, c'est homophobe. Bah, je le suis pas. Non mais je préfère prévenir, on sait jamais. T'sais. N'importe quoi, les raccourcis ridicules. C'est dingue. Bon et, bref, et donc Steven, et vas-y le meilleur ami puis. Et puis du coup on était parti fumer une clope et après on fait bon vas-y on va tenter, on est parti danser. Oui je sais. Et on commence à aller sur la piste de danse et là en fait j'ai glissé et je suis tombé par terre en torse du pouce. En torse du pouce, mais c'est ridicule comme accident. Ouais, ouais. Mais je comprends qu'on t'ait pas rappelé hier. Mais non, mais attends, tu te pètes une jambe, tu fais une... Mais l'entorse du pouce, c'est ridicule. Ouais, parce que j'ai glissé, du coup je me suis attrapé sur mon pouce. Parce qu'en fait, j'ai glissé, parce qu'il y en a, j'étais complètement bourré, j'avais pas vu, et il avait renversé son verre de whisky coca sur la piste. Oh là là, et du coup, j'ai glissé, et je me suis rattrapé sur, avec mes pouces, et du coup, je me suis relevé comme si rien n'était. Bah, mais 24 heures après, le lendemain, quand je me suis levé, mon pouce était gonflé, du coup, je suis parti à l'hôpital. Ah bah oui, l'entorse du pouce, ouais, mais bon, c'est pas l'accident, c'est que tu racontes avec fierté, quoi. Ouais. T'as eu quoi? Bah, moi, j'ai double fracture, j'ai opération à cœur ouvert, et bah, moi, j'ai eu une entorse du pouce. Ah, mais c'est la honte quand même. Ah, mais grave. Non, mais en vrai. T'as envie de faire ton meilleur bouti-chèque d'un coup, tu tombes. Voilà. Ah oui, mais ça, c'est tout. Mais c'est ceux qui savent pas faire. Ah, pardon. Mais non, mais c'est... Non, mais, non, j'avais mais oublié que t'étais une star du dance. Ah, mais pas du tout. Non, non, non, non. Je parle pas de, la... je parle pas de danser, je parle de tout. Tu sais, tous ceux qui arrivent et qui se la ramènent dans un sport qu'ils ne maîtrisent pas et qui pensent, en ayant regardé la télé, que c'est facile. Bah, forcément, tu te lourdes. Oui, bah, tu viens des gens dans cette équipe. Mais non, pas spécialement. Ah, il parle de toi, Tof, parce que moi, je ne prétends pas être un expert en quoi que ce soit. Non, mais attention, quand tu fais du sport... Et non, Polo est toujours hyper bien équipé, t'es un professionnel. C'est toi qui parles, mec, le mec, il met 50 armures pour aller faire du snowboard. Bah oui, Ferme ta gueule, tu rigoles, le mec, il s'est pété 50 côtes. Oh, deux fissures. 50 côtes, on l'a porté en hélico. C'est ça, quelle exagération. Mais non, mais bien sûr, quelle exagération. Tu verras au prochain vacances de... J'ai hâte. Et non, mais il faut savoir que quand tu fais n'importe quel sport, si t'en fais un, longtemps, tu es obligé de te. Enfin, tu te blesses, quoi. Que ce soit du roller, que ce soit du. Même du basket, du handball. Badminton. Ouais, je m'en vais, moi, l'autre avec son badminton. Bon, n'importe quoi. Bon, Steven, reste là deux secondes. Il y a Momo dans un instant en Lyon. Et puis appelez-nous aussi si vous voulez passer en direct. 01 40 71 5000 ce soir. C'est mardi. Mentez-leur. Elles adorent qu'on leur ment. On fera le jeu si vous avez envie de jouer avec nous. Si vous voulez piéger quelqu'un, on va vous imposer trois mensonges. Vous arrivez à les balancer. Bah, ça sera peut-être gagné. Hein. Si vous voulez vous inscrire, appelez Seba au standard maintenant. 01 40 71 5000. On va s'écouter aussi le son de Chainsmokers qui va arriver. Il y aura Enrique Iglesias. Et il y aura le son de Cachemire. Et il y a Lynn aussi sur Twitter qui dit enfin avec vous pour se détendre et pas penser au cours. Bah salut Lynn. Et Jennifer qui dit gros bisous à vous. Louis aussi, le roi de la night est là. 4 heures de délire encore et encore avec Mickaël. Je tiendrai au moins jusqu'à une heure. Bah c'est le principal. Et le tilteur qui avait envoyé un message. Putain, mais vous êtes là. Deux ans que je vous cherche. Je vous ai retrouvé grâce à l'odeur dégueulasse de votre connard Moloburné. Oh. C'est top évidemment, le Moloburné. Oh là là là là, putain. Appelle-nous. 01 40 71 5000. Évidemment qu'on est là. Bon, on va prendre. Charlie Puth et Selena Gomez maintenant. On va s'écouter ça tout de suite et on revient juste après avec vous toutes et vous tous en direct. Et en plus ce soir on a une invitée puisque c'est l'auditrice qui est venue relooker la gueule de Tof. On va la présenter dans quelques minutes très très vite parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a des heures de travail, ouais. Donc on va pas faire ça en fin d'émission quoi, hein, mais voilà. En plus elle a ramené des outils de chantier et tout, hein, là. Ah ouais, bien sûr, bah, grue, tout est là, il y a une grue, tout est là, tout est là. Bon allez, Charlie Puth, Selena Gomez, on écoute ça maintenant, minuit 15, on est sur Énergie, bonne nuit. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Like me, it must be a good reason that you're gone. wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël sur Énergie de minuit 19. On va revenir dans un instant en direct avec Steven et son pouce ridicule. C'est quoi encore le froid? Non, c'est quoi? Fracture. Non, fracture. Une entorse du pouce. Ouais, il y a Momo aussi avec nous de Lyon. Ah bah salut Momo, l'habitué, comment ça va? Ouais, toujours là. Bah j'imagine, toujours, hein, Momo, hein. J'imagine. On va parler de quoi avec toi dans un instant, Momo? Wesh, Momo. Un truc, wesh. Salam alaikum. Arrête tout le temps, le poteau. Bon, on va parler de quoi dans un instant, Momo? Tu te rappelles, avec ma meuf, j'avais fait le jeu Mentaleur. Ah oui, je me souviens, ouais. Et bah, en fait, elle m'a arnaqué de 12 000 euros parce que je l'ai quitté. Bien fait, la gueule, tiens. Bah, tu veux nous raconter ça dans quelques minutes? Dites-nous si vous vous êtes déjà fait arnaquer par votre copain ou votre copine. Tiens, ça peut être bien d'en parler ce soir. 01 40 71 5000. Triple facture au, fracture, pardon, au badminton. C'est Jimmy de Dieppe. Ah. Et Abdel qui dit, il y a une prof dans mon école, il ressemble trois tofs. Oh putain, ça va être la tête à claque, ça. Fais une photo, mec. Ouais, fais une photo, balance, hein, n'hésite pas. Et on va saluer également Anastasia, une auditrice. Approche-toi, Anastasia du micro. Salut Anastasia qui vient de Hatt en Belgique, c'est ça? Oui, bonsoir. Eh ben salut Anastasia. Donc Anastasia qui avait fait le Mentaleur, elles adorent qu'on leur mente, il y a quelques semaines. Oui, et donc toi, ouais et Polo lui avait demandé de faire croire à sa sœur qu'elle allait se faire tatouer la gueule de Vladimir Poutine. Son madness, Vladimir Poutine. Voilà, bon finalement ça a foiré. Bon bah ça arrive, hein, c'est pas grave. Et du coup, on a appris que t'étais maquilleuse. Oui, bah oui, j'ai été diplômée, donc du coup. Approche-toi bien du micro, comme moi. Oui, bah oui, je suis maquilleuse, donc du coup, bah, on va relooker Toff ce soir. Enfin, on va lui refaire sa gueule, parce qu'il n'y a pas vraiment un relooking, quoi. Ouais, ah non, là, si vous voulez. Faut y aller à la truelle, faut faire le gros, là. Ah ouais, là. Bah là, on va faire le gras, surtout. Hein. On va faire toute la fondation, il n'y a pas de souci. Il y a des fois, bah, la fondation est dégueulasse, hein, non? On va tout refaire. Et restez connectés aussi sur Facebook et Twitter, on fera de temps en temps quelques petites vidéos live sur Periscope et sur le Facebook Live. Donc si vous voulez voir ça en direct, on fera une vidéo aussi pour ceux qui sont pas connectés ce soir, rassurez-vous, sur MIKL officiel. Bon bah Anastasia, bah écoute, bonne chance, hein. Merci beaucoup. Mais des gants, on a un casque de chantier pour toi avec une lampe ou dessus, hein, t'inquiète pas. Mais des gants, une combinaison. Il est un peu acide, il a la peau acide, ça brûle. Ouais c'est ça, il vaut mieux se méfier quand même. Je me prépare à tout. Bon ça va alors. Bon, Cachemire arrive dans quelques minutes sur Énergie, vous bougez pas de là, on se met la pub rapido si on revient juste après avec une heure sans pub sur Énergie. C'est Mickaël, on est là tous les soirs en direct, MIKL officiel. Facebook, Twitter, Instagram, venez nous rejoindre. Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. 01 40 71 5000. Vous serez les premiers à avoir le téléphone que tout le monde veut. Le nouvel iPhone, l'iPhone 7. Vous gagnez en plus un MacBook Air. C'est le pack Énergie Apple. Dès que vous entendez le double hit. DJ Snake avec Justin Bieber et DJ Snake à la suite. Soyez les premiers à appeler Energy 3937 et vous gagnez le pack Energy Apple avec l'iPhone 7 et le MacBook Air. Energy numéro 1 sur les hits pop, R&B, dance. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam, celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc, pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Énergie, it's music only avec Kinvé en concert. C'est Kinvé sur Énergie. Kinvé repart en tournée des Zéniths, partout en France, dès octobre 2016. Infos et réservations, énergie.fr, nousproductions.com et points de vente habituels. Kinvé en concert. Dans un monde meilleur. Un événement énergie. Hit Music Only. Tous les jours, vous vous interrogez. À force de chercher, vous avez le sentiment que la rencontre qui changera votre vie n'arrivera jamais. Pour cesser de vous tourmenter, envoyez par SMS QUAND au 72212. QUAND, QUAND au 72212, c'est un service réactif et fiable qui vous met en relation avec des professionnels confirmés de l'astrologie et de la voyance. Envoyez QUAND au 72212. Notre équipe se tient dès maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions cruciales. QUAND au 72212. 65 centimes plus prix du SMS et énergie. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Nouveau micro, nouveau standardiste, nouvelle photo. Mickaël, Top Polo et Amina sur Énergie de minuit à 4h. Que des nouveautés. Ah non. Top a toujours une sale gueule et ça, ça ne changera pas. Dommage, vraiment dommage. Bah alors justement, on espère arriver à lui changer cette sale gueule à Top, hein, comme on le dit dans le jingle, là, grâce à l'aide de Nulitrice, Anastasia qui est passée ce soir pour essayer de refaire la gueule de Top. Amina, penses-tu qu'il sera possible de faire quelque chose de miraculeux? Oui, je pense qu'il y a du potentiel. Ah bon? Tu vois, il y a moyen d'en faire une belle blonde. Ah. Mais oui, c'est sûr. Bon, écoute, on va espérer. En tout cas, on vous mettra les photos, bien entendu. Voilà, on vous mettra les photos, il n'y a pas de souci. Il y a Romain qui dit leur looking pour Toff, et il y a le catastrophe. On verra, on verra. Jeanne Françoise qui dit après avoir maquillé Toff, n'oublie pas de brûler tes pinceaux, les désinfecter ne sera pas suffisant. Ça, c'est bon, ça. Karim aussi, l'équipe toujours au top, ça fait plaisir de vous entendre. Sauf l'autre fils de Maryse. Oui, c'est Toff, hein, donc. Hein. Et alors, Laurie aussi, c'est parti jusqu'à 4 heures de pur bonheur avec la meilleure équipe. Bah, merci les gars, merci et pour je vos messages. Je peux rappeler cette phrase philosophique de Jeanne Françoise qui un jour a dit. Toff a accepté d'être traité comme un rat mort uniquement pour nous faire rire et ça c'est beau. Voilà. Bien sûr, parce que je rappelle qu'il se fait insulter tous les soirs. Je te promets que je vais t'attraper, je vais te brûler vivant, moi, cette demeure. Avec cette voix qui fait peur grave. Bon, allez, appel mal intentionné à suivre dans quelques minutes. Et donc, Steven, encore un truc à ajouter par rapport à ton pouce, là? Non, non, c'est juste ça, c'est juste ça. Eh, hey, Mika, j'ai une question à te demander. Dis-moi. T'en es où, là? Parce que normalement, Toff, il devait partir avec un routier faire une tournée une fois. Oui, c'est vrai, oui. Bah, oui, non, c'est vrai. Non, non, mais bah, si un routier qui veut prendre Toff, mais Jackie, pour l'instant. Il veut le prendre. Ouais, mais Jackie l'avait dit, mais je sais pas s'il venait ou s'il était sérieux. Mais pour faire quoi, une formation? Mais non, pas bah, une formation poids lourd. Mais non, mais on envoyait Toff avec un routier toute la nuit en reportage. Voilà, et Amina avec un autre routier. Non, pour faire un autre reportage. Non, mais c'est génial, j'adore. Ah, non, mais c'est des. Mais pour. Avec une camionneuse. Avec. Ouais, mais j'ai peur. Ouais, mais imagine, genre, elle m'aime pas ou quoi. Mais non, oh mais c'est la famille. Mais personne n'aime Toff et pourtant il va lui. Hein. C'est la famille, c'est la famille. Attends, mais les routiers, c'est la famille, évidemment. Si t'as un problème, oui, on envoie tous les routiers là-bas. Mais c'est attends, la police, ils arrivent, ils sont défendus partout. Jackie Michetot, il casse la tête à tout le monde. Il rigole pas, les mecs, il tue. J'y reste pas avec Jackie quand même. Mais. Bah pourtant, au moins, t'es sûr de pas. Il risque pas d'arriver un problème. Ah oui, il va péter la gueule à tout le monde. Attends, c'est Jackie. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, Steven, donc t'inquiète pas. Écoute, si Jackie t'es vraiment sérieux, pas de problème. Hein. On peut mettre Toff dans le camion et puis hop là, bon débarras. Il y a Michto et Maxwell aussi, mais je sais pas s'ils veulent. Pourquoi pas. Bon, eh ben merci Steven d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux. Hein. Je peux passer une petite dédicace à ma Allez, vas-y en speed, vas-y. Alors, je passe une dédicace à ma copine qui m'écoute et à mes deux, et à mes collègues Akun, Max, Pedro et Manu qui est de chez Lae qui m'écoute et à tous les routiers de la nuit. Eh ben le message est passé, il n'y a pas de problème. C'est gentil Steven. Passe une bonne nuit, merci d'écouter en tout cas. À bientôt. Allez, bon courage. Salut Steven. Ciao, bye bye. Et je sais pas si vous avez vu, est-ce que vous avez déjà fait un pari stupide? Amina, t'as déjà fait des paris de merde ou pas toi? Oui, bah je passe mon temps à ça moi. Bon genre, c'est quoi le pari le plus ridicule que t'aies fait? Le truc le plus con, c'était pas capable d'aller au concert de Sefiu avec une casquette, un jogging, des chaussettes dans les Air Max, etc. Et bah j'ai perdu mon pari, donc j'y suis allée. Et je me suis fait embrouiller, mais vraiment salement quoi. Mais vraiment, avec mes copines, on était entre mais copines. T'as fait ce pari avec déguisées. Qui bah, avec trois copines à moi. Mais vous avez pas autre chose à faire. Oui, mais pourquoi? C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il y a? C'est fiou? Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, à la base, on avait les places gratos, voilà, à pas se mentir. Ouais, et on s'est dit, tant qu'à faire, autant y aller déguisé, tu vois. Ah, d'accord, ok. Et on y est allé, sauf que bah, on s'est un peu fait embrouiller. En même temps, c'est un truc de clown, c'est fiou, tout ça, donc c'est bien, t'es dans l'ambiance. Bah, tout ça. Ils avaient pas trop envie de rigoler, les gens. Non, oui, ça m'étonne pas. Ouais. Et Toff, t'as déjà fait des paris stupides? Tellement que je sais pas par lequel commencer. Bon allez, un seul au hasard. Il y a le piercing déjà. Hein. Ah oui, c'est vrai, il s'est fait percer le gland aussi sur un pari. Voilà, sur une connerie. Hein. C'est vrai, non mais c'est vrai, ça date, hein, ça date de 2003. Donc, C'est d'un romantique. Est-ce que Toff est romantique? Ça se saurait quand même. Polo, t'as déjà fait un pari stupide? Bah oui. J'ai déjà fait deux paris avec Polo. Il y a ça. Un où j'ai été bon prince, on devait perdre du poids. C'est le génial. Premier qui arrive à perdre 10 kilos payait un voyage à New York à l'autre. C'est pas, c'est pas mal. J'ai gagné. En tant que bon prince, j'ai dit vas-y, laisse tomber, c'est bon. On a fait un autre pari un an après, il fallait de nouveau reperdre les 10 kilos. Parce qu'on avait tout repris, bien sûr. Ouais, ouais. On refait le pari, on avait un iPhone. Celui qui arrive à perdre les 10 kilos en premier gagne, offre l'iPhone à l'autre. J'ai perdu de 200 grammes. Tu crois pas que ce chien il m'a réclamé l'iPhone hein. Oui, mais c'est normal. Alors que l'année d'avant pour le voyage à New York, je lui dis non, vas-y. Mais ouais, c'est tout à ton honneur. Bon. Et c'est pour ça que t'es grand prince et tout. Ouais, c'est comme ça que je n'ai jamais acheté d'iPhone de ma vie parce qu'en fait, comme je les revends à chaque fois et je rajoute que dalle, donc j'en ai jamais vraiment acheté. Voilà. T'as vu? Merci Mickaël. Voilà, ouais, c'est ça, un ami. Ça, c'est la famille, ça. C'est ça. Tu te fais enfumer. Ah ouais, mais c'est ça. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dise. Ouais, enfin bon. Donc je parlais de ça en fait tout simplement parce que il y a une vidéo de deux meufs qui font le pari de manger le piment le plus fort du monde. Et bah forcément, c'est le drame, hein. Ça finit mal. Pas forcément. Je vais vous mettre la vidéo sur le Facebook de l'émission dans un instant. M-I-K-L officiel sur Twitter et Insta également si c'est possible. Donc vous allez pouvoir voir ça. Et puis du coup, venez nous dire si vous avez déjà fait des paris complètement cons. T'en as déjà fait au moment ou pas, toi, des paris complètement stupides? Alors moi j'en ai fait un il y a deux ans. C'était au meeting à Marine Le Pen qui était à la suite internationale à Lyon. Ouais. Et je suis arrivé avec le drapeau de l'Algérie. Et il m'avait dit t'es pas capable d'aller là-bas. Et j'ai crié One, two, three, vive l'Algérie. Et ça a fini comment? Bah, je me suis fait virer par les vigiles et après les decks m'ont embarqué en GAV pendant deux heures. Ah, carrément! Les mecs, ils ont dû croire que t'étais un taré. Tu m'étonnes. Bon, les autres, dites-nous. Hashtag et Mickaël sur le Twitter. Mickaël et votre message aussi, 112 par SMS. Même numéro pour la France et la Belgique. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme pari stupide? Que vous ayez perdu ou gagné, bien entendu. Et comment ça s'est fini? Vous nous appelez, on en parle. Bon, du coup, Momo, bon, tu t'es fait arnaquer par ta meuf de 12 000 euros. C'est quoi cette histoire? Parce qu'en fait, je l'ai quitté après le jeu. Parce que du coup, en fait, elle m'avait trompé avec mon meilleur pote en plus. Donc, du coup, je lui dis ciao. Ouais. Et pour se venger par jalousie, en fait, elle m'avait gardé un rib et une photocopie de moi et elle se faisait passer de par moi sur les trucs de crédit. Elle a fait un crédit de 12 000 euros à la Cofidis ou je sais plus quoi sur internet. Non, putain. Et du coup, en fait, j'ai vu ça après sur les relevés de compte et dès qu'on a porté plainte, on a vu que ça avait de l'adresse IP venait de chez sa mère, en fait. Oh la vache! Et donc, du coup, si t'as porté plainte et que vous avez découvert l'adresse IP. Parce qu'en plus, son nouveau copain est complice, soi-disant, elle a fait ça par amour. Donc, du coup, maintenant, elle va devoir tout me redonner derrière. Ah, bah d'accord, bah heureusement qu'elle a. Elle a mis quand même 2 semaines à trouver qui c'était. Ah ouais, d'accord, ok, putain. Mais et encore, ça va, 2 semaines, c'est encore relativement rapide. Hein. Il y a parfois des trucs, ça traîne pendant 1000 ans, quoi. Ouais, parce que là, en plus, j'avais déjà reçu l'appel d'un huissier, il voulait me faire les biens, l'inventaire des biens. Et en plus, ça s'est passé quoi, 3 mois après que j'ai fait le jeu? T'as vu, Manteller, le jeu que j'avais fait avec elle? Ah oui, je me souviens. Couscous partout, là. Ouais, il y a Bilal qui dit, elle pouvait prendre 10 ans de prison pour avoir fait ça. Mais oui, en plus, c'est du vol. Ouais, mais de toute façon, elle a eu du sursis, elle a eu plus de 8 mois de sursis, elle va faire des travaux d'intérêt général, et puis elle va rembourser avec les intérêts et payer l'avocat. Ah bah oui, ça ouais. Préjudice moral aussi. Ouais, bah bien sûr. Donc, attends, n'oublie pas, si tu oublies un truc, t'inquiète pas, Amina, elle, hein, je rappelle que c'est un peu la juriste de l'émission. Donc, évidemment. Voilà, mais c'est maîtresse Amina. Voilà. Mais juste en matière de droit. Tu t'es relooké là, j'ai appris là. Oui, attends, on est en train de. Enfin, on va démarrer quand, du coup, Anastasia? Il y a du boulot, hein. Quand on veut, bah oui, je sais bien qu'il y a du boulot. C'est pour ça que je voulais pas le faire trop tard, de manière à ce qu'il soit pas fait, refait qu'à moitié à la fin de l'émission. Ouais, mais faut pas appeler Christina dans ce cas-là, parce qu'elle va rien faire, Christina, elle. Ah non, c'est Anastasia, pas Christina. Abdullah, tu veux dire, sur M6? Ouais, elle est celle qui se prend pour je sais pas qui là. Avec pour Christina. Elle est brésilienne, elle a un accent brésilien, que je te dise. Si tu veux, Anastasia, elle est russe, donc. C'est vrai en plus. Voilà. Les Russes, elles sont bien. Ouais. D'ailleurs, je te confirme. D'ailleurs, Anastasia, tu peux dire en russe que Tof a une tête de merde, plus ou moins. Gorbachev. Tof, ça c'est mi. Alors. Совсем не красивый. Совсем не красивый. Crassi, je dirais vraiment pas. Dirais, Tof s'est mis un doigt dans le cul en fait en français. Ouais, c'est vrai. Je te remercie. Tof Sassiemni. Je suis bien obligé de le dire. C'est vrai. Donc je répète pour être sûr de bien. Tof Sassiemni Crassi. Совсем не красивый. Совсем не красивый. Совсем не здоровья. Ils sont insultés dans toutes les langues. De quoi? C'est ça. Bon, nickel. Bon, reste avec nous 2 secondes, Momo. Dites-nous si vous vous êtes déjà fait voler et escroquer par votre copain ou votre copine. Moi, à chaque fois que je joue, je joue à des jeux dans cette émission, je me fais voler et escroquer. Mais tu t'es mauvais, mec. T'es mauvais. Tof, Safsiem Mikrosi. On est en train de. Crassi. Nous, on est des gens honnêtes et on veut que tout soit d'équerre. On veut pas. Il y a huissier, il y a tout. On veut pas. Exactement. Faire de la merde. Bah oui. Je promets que je vais t'attraper et te brûler vivant, moi, cette demeure. Voilà. Et donc, fais attention, sinon j'appelle ton ami, là, tout à l'heure. Bon, on va se faire les appels mal intentionnés dans quelques minutes. Tof va se faire. Pourquoi je dis Tof? J'ai failli dire Tof va se faire décapiter. Mais écoute, avec plaisir. Je sais pas pourquoi. Maquillé et décapité, quand c'est. Quand même, il y a des limites. Bon, ça finit par. Eh, mais je comprends pas pourquoi j'ai failli dire ça. Non, mais... C'est ridicule. Oui. C'est. Safsiem Nikrasi. Voilà. Oui. Voilà, oui, très da. Bien. Da. Spasiba. Bon, spasiba et nasdrovia. Bon, on va se faire donc le son de Cachemire maintenant. On va revenir avec les appels mal intentionnés après. Et puis, évidemment, le menteur, elles adorent qu'on leur mente. Xbox One a gagné si vous voulez tenter votre chance de mentir à la personne de votre choix. Hein. On vous impose 3 mensonges. Si vous arrivez à placer les mensonges comme il faut, de manière à ce que la personne en face s'énerve, c'est gagné. 01 40 71 5000. On écoute le son de Cachemire maintenant sur NRJ. Stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? Bonne soirée tout le monde, minuit 40, on est sur Énergie, Chainsmokers arrive comme promis. Il y aura Eric Iglesias et je vous mettrai aussi le son de Rihanna et Drake. On va commencer leur looking de Tof dans quelques minutes. D'abord on se fait des appels mal intentionnés. Tu les aimes, tu les détestes, mais t'écoutes, tu entends, tu peux pas t'en empêcher, tu les adores, tu ne peux pas arrêter. T'essaies de tout stopper, c'est dur, mais c'est plus fort que toi. Tu voudrais que ça se termine, mais t'es là. Toutes les nuits de minuit à 4h avec Mickaël sur Énergie. Allez, appel mal intentionné maintenant donc. Et selon une étude canadienne, il faudra au minimum 30 minutes de préliminaire, pas moins, pour un rapport sexuel satisfaisant. Donc, bah, Tof, tu vas vérifier ça dans un instant. Amina, t'es d'accord ou pas avec. C'est quoi cette coupe de cheveux, Amina? Je sais pas, j'ai mis mon casque à peu près de façon artistique. Là, c'est une horreur. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il sort de la rue, là, tu sais, qu'il était. Oh là là. Plus de respect. Il y a jamais eu de respect. Mais comment ça, il y a plus de respect? Je te dis juste que t'as une coupe improbable. Mais c'est original. Ah ouais, bah, c'est sûr. Hein. C'est moderne. Attends, non, parle pas de cheveux par contre. Ah bah non, là, avec Tof, et l'arrêt sur le côté. Enfin, bon, Anastasia, juste un détail, on va refaire les cheveux ou pas, non? Ouais. Ouais, hein, j'ai prévu une perruque. Ah, mais si t'as prévu une perruque. Eh bah parfait, très bien. On va le foutre au bois, là, qu'il puisse nous rapporter un peu d'argent. Ouais, ouais. On fera des stories sur Instagram, donc si vous êtes connectés, venez nous rejoindre, hein, tapez M-I-K-L officiel et sur le Snap d'Énergie. Énergie Radio. Énergie Radio, bah oui, oui. Donc si vous voulez venir voir ça, on mettra des vidéos et des stories, donc sur Insta, c'est M-I-K-L officiel et on mettra la vidéo intégrale sur le Facebook de l'émission dès demain, Tof. Bien sûr. Ah bah voilà. Bien sûr, dès demain. Très bien. Non mais bon, parce que bon, comme c'est 5h, à 5h du mat, elle est faite. Eh ben voilà, en même temps que les podcasts. Mais bien sûr, l'équipe parce, de parce que comme c'est l'espagnol qui va monter la vidéo. Eh ben parfait, alors on a encore mieux. Bon, on se fait les appels mal intentionnés donc avec cette étude canadienne. Donc il faudra donc minimum 30 minutes de préliminaire. Il faudrait en tout cas pas moins pour un rapport sexuel garanti. Bah Tof, tu vas vérifier avec tes amis? Bah allons-y. Allez, grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof, allez-y donc, c'est toph@energie.com. On y va, on appelle premier. C'est parti. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir combien de temps vous aimez que ça dure les préliminaires monsieur. Pardon. Les préliminaires monsieur, vous aimez que ça dure combien de temps? Mais comme parler là. Bah, on n'est pas un con quoi. Mais pas du tout monsieur, pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que tu me dis là? Bah, en fait je veux savoir combien de temps vous aimez que ça dure les préliminaires avant de faire l'amour. Ah bah c'est déjà fini. C'est déjà terminé, très ah ouais, bien. C'était rapide. Ça a été rapide, effectivement. On va le rappeler, c'est pas grave. Il retourne. T'as putain de parasse, qu'est-ce qui t'arrive là? Bah, il m'arrive rien, monsieur. Je veux juste savoir en fait combien de temps. Alors arrête de m'appeler, il va te faire enculer. Oui, mais répondez à la question d'abord, monsieur. Non, il a nouveau raccroché. Hein. Bon, on va rappeler, hein. C'est vrai, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, moi, rien. La question qu'on peut se poser, tiens. Vas-y, c'est qui là? Tof, monsieur, je m'appelle Tof. D'où tu m'appelles? De Paris. Qui t'a donné mon numéro? 118-218, monsieur. Putain, c'est ce que tu me veux, je t'ai dit d'arrêter de m'appeler. Bah, veux quoi? Bah, je voudrais savoir combien de temps vous aimez que ça dure les préliminaires, monsieur. Enfin, c'est... Mais qu'est-ce que tu me parles? Je sais même pas qui t'es. Va Tof, monsieur, enculer, je viens de vous le dire. Enculer. Non, monsieur, non. Ah, si, si. Bah, si, si. Si, si. On va rappeler encore bah, une fois. Bah, oui, oui, oui. Un peu énervé ce garçon. Bah, léger, hein. C'est ce que je me dis aussi, tiens. Oui, bah c'est Tof, monsieur, mais je comprends. Merde, qu'est-ce que tu veux? Bah, moi, je veux savoir combien de temps vous. Bah, combien de temps vous aimez que ça dure, les préliminaires, monsieur, c'est tout? Mais. Putain, t'es qui pour me demander ça? Tof, monsieur, je m'appelle Tof. T'habites où? Paris, monsieur. Eh ben. Laisse-moi bien tranquille chez WAM et toi reste chez WAT. Bah, d'accord, mais répondez à la question, monsieur. Putain, il parle, hein, il parle. Ah bah. Il parle, on rappelle. Il n'y a plus décroché, mais. Oui, je m'excuse, monsieur, mais vous avez toujours pas répondu à la question. T'as pas compris que j'ai pas envie de te répondre, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Mais je vous casse pas les couilles, monsieur, je vous pose une question. Là, tu me casses les couilles. La moindre des choses, c'est d'y répondre. Mais putain, je te dois quoi? Je te dois quoi? Bah, une réponse, monsieur. Je te dois rien, alors si tu... T'habites où à Paris? C'est quoi ton adresse? Alors, c'est 22... Vas-y, ouais. R-U-E... Allez, prends-moi pour un con, ouais. Bah, j'oserais pas, monsieur, mais c'est pour être sûr. Et Boileau, comme le poète. Vas-y, tu me rappelles une fois, je viens t'enculer, me rappelle pas. Ne me dites pas ça, monsieur, je vais être obligé de vous rappeler. Ah, il veut venir t'enculer quand même, hein. Ah bah, j'espère bien. Et ça te branche, alors, a priori. Ah bah, toujours. Bon, eh bah, écoute, on rappelle. N'est pas disponible pour le moment. Oh, bah voilà, des paroles, des promesses, et puis voilà. Et puis rien. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, on en fera l'autre dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, envoyez-les donc sur le mail de Tof, c'est toph@energie.com. Du coup, on va récupérer Momo dans un instant, là, qui s'est fait arnaquer par sa meuf. Dites-nous si vous avez déjà été victime d'escroquerie de votre copain ou votre copine, ou mari ou femme, peu importe. Ou même les parents, tiens, parce qu'il y en a aussi, hein. 01 40 71 5000, et puis les paris les plus complètement. Les paris stupide, là aussi, si vous en avez déjà fait des paris stupides, et vous pouvez nous appeler, on en parle, 01 40 71 5000. Il y a Mathieu qui dit: je te soutiens, moi, Tof. Merci, Mathieu. Contre, j'aime pas du tout ta voix. Et Amina, j'adore la façon que tu as de répondre avec ta jolie voix. Ah, oh, merci. Il a envie de te casser les pattes arrière. Mais n'importe quoi. C'est plutôt Davido qu'il faut pour refaire la gueule de Tof, ce chien de la casse. C'est Thomas qui avait envoyé le message. Et Philou qui dit: salut l'équipe du rigolade jusqu'à 4 heures. Est-ce que le tocard va payer la classe business au chien de la casse? C'est Philou le bâché. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un pari ridicule la semaine dernière. Ouais. Si Seba dit l'espagnol, dit Alès, dit le parasite, arrivait à mettre les podcasts avant 5h30 dispo sur energie.fr. S'il n'y arrivait pas, pardon, eh bien Seba devait payer la classe business au prochain vol de Tof, et il est arrivé à quelques minutes. Ouais, à quelques minutes, hein, c'était vraiment tout juste. Ah, Tof se voyait déjà. Ah bah moi j'ai pieds allongés, tranquille, en train de voyager avec quelqu'un qui arrive. Bonjour monsieur, souhaitez-vous un petit peu souhaitez-vous un petit peu de poivre avec votre repas? Moi je me voyais déjà un cocktail à la main là. Voilà, bah il va aller derrière avec les chiens, hein, voilà, c'est ça, hein, avec les poules, voilà, de tous compresser les uns contre les autres dans l'avion, bah c'est comme ça. Bon, on va s'écouter Chainsmokers maintenant. C'est quand que tu te fais ravaler la gueule, Tof là? Bah quand tu veux. Eh bah quand on veut. Bah t'es prête, Anastasia? Oui. Très bien, Anastasia qui est donc une auditrice date en Belgique, qui est passée nous voir pour refaire la gueule de Tof. On va faire des stories, donc venez nous rejoindre sur MIKL officiel sur Instagram et sur le Snapchat Énergie Radio. Vous venez sur le Snap donc d'Énergie. Voilà. Bon, minuit 47, on va également se faire le Menteleur. Elles adorent qu'on leur mente ce soir. Et bon, on fait tout ça après le son de Chainsmokers sur Énergie. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Se faire refaire la gueule dans un instant. Si vous voulez voir la vidéo en live, c'est sur Instagram que ça se passe. Vous tapez M-I-K-L officiel. Tu peux compter les moutons. 1, 2, 3. Mais ça ne marche pas toujours. Ou bien tu peux attendre que le sommeil arrive. Tu n'arrives pas à dormir. Parfois c'est long. Long. Très long. Mais c'est mieux de ne pas insister. Plutôt que de chercher le sommeil, écoute Mickaël sur Énergie. De minuit à 4h. Voilà, si vous voulez voir ce qui se passe dans le studio, donc on fera quelques stories et sur le snap également d'Énergie, c'est Énergie Radio pour ceux qui sont pas encore dessus, hein, bah maniez-vous hein, les gars. Et puis on va également se faire donc Enrique Iglesias dans quelques minutes. Toff se fait refaire la gueule dans un instant par Anastasia dès qu'il aura installé toutes ses caméras. C'est-à-dire qu'il y a au moins 50 caméras là. C'est-à-dire que vous allez avoir un truc, c'est un truc. Mais on mettra la vidéo complète sur le Facebook de l'émission parce que vous le savez, on n'est pas 150 000 dans l'équipe, qu'on peut pas être sur Periscope, sur le Facebook Live, sur l'Insta, sur Snap, etc. Donc voilà, donc on fait sur Instagram, sur Insta Stories et sur Snap, et puis le reste bah, vous l'aurez demain très certainement, évidemment, sur le Facebook de l'émission, bien sûr. Bon, montez-leur, elles adorent qu'on leur monte dans quelques minutes. Avant ça, il y a Thomas qui est avec nous à Avranches. Salut Thomas. Salut Mika. Comment ça va, Michael? Ça va et toi? Bah oui, ça va très bien, ouais, très bien, très bien. Alors, tu nous appelais par rapport au pari, toi, t'as déjà fait des paris de merde, voilà, apparemment. On en parlait, tiens. Alors moi, en fait, je voudrais mettre les gens en garde, surtout les ceux qui sont jeunes, en fait, les mineurs. Ouais. Parce que ça peut être vraiment dangereux, en fait. C'est quoi? Moi, je connais une personne, en fait, il a vraiment parié beaucoup et tout, il voulait se refaire. Ouais. Et en fait, il a perdu sa femme, ses enfants, sa maison. Mais un mineur qui a perdu sa femme, ses enfants et sa maison? Non, ça c'est, il avait 21 ans, en fait. Ah oui, mais pourquoi tu dis les mineurs ils peuvent pas parier? Ah ouais. Oui, voilà, exactement, mais il y en a qui arrivent à parier, en fait, des tabacs acceptent les mineurs et c'est vraiment très dangereux. Ah oui, bah c'est dangereux pour eux surtout, parce que si jamais ils ont un contrôle et qu'ils acceptent, voilà, je peux te dire qu'ils prennent cher. C'est pareil, hein, vend des trucs, des tickets à gratter, des trucs comme ça à des mineurs, ou de l'alcool ou n'importe quoi, je peux te dire que le mec qui le vend, il prend cher. D'ailleurs, c'est pour rien aux États-Unis, ils sont tellement. Tu sais, les mecs qui vont aux États-Unis, ils disent attends, les mecs, ils sont sérieux. La dernière fois, j'avais. On voit sur ma gueule que j'ai pas 18 ans, tu vois, je veux dire. Oui. Voilà. Et le mec me dit. Non, 21, pardon. Et le mec me dit, pour rentrer dans un bar, il me demandait ma pièce d'identité. Ah, mais il demande à tout le monde. Sauf que je l'avais pas. Et je dis oui, mais je l'ai pas là. Oui, alors on peut pas vérifier ton âge, bah tant pis. Non, mais je dis ça se voit que sur ma gueule quand même que j'ai pas. Non, tu vois, j'ai pas 12 ans quoi. C'est flatteur, c'est bien. Non, mais oui, bah, non, mais c'est pas la question. En fait, c'est juste que ils demandent systématiquement à tout le monde parce que si jamais le mec a réussi, tu sais, à se faire maquiller, se faire vieillir, n'importe quoi, et qu'il, non, mais attends, et qu'il y a un contrôle. Et que, eh ben voilà, il se fait qu'il y a un mineur, enfin un mineur de moins de 21 ans aux États-Unis, qui est dans un endroit où il ne peut pas être. Eh ben non seulement lui aura une amende, mais également la boîte, le bar ou n'importe quoi, c'est fermé. Hein. Il cherche pas à comprendre. Hein. Ah bah ouais. Le truc, il ferme la boutique. Merci, au revoir, la clé sous la porte. Donc du coup, bah c'est pour ça qu'ils sont aussi relous avec ça. Et dès que tu veux commander une boisson, c'est carte d'identité, etc., etc. Donc oui, après c'est eux qui prennent le risque. Hein, cela dit, Thomas. Hein. Mais le mec, ah bah, il avait parié quoi pour tout perdre, comme tu dis? Il pariait des 1000 euros, des 500 euros, mais tout, quasiment tous les jours. Et d'où il a 1000 euros tous les jours avant un an? Ah oui, c'est ça, il sortait mais j'ai déjà vu des mineurs qui sortent des 300 euros chaque jour, 300, 400 euros, ils parient, mais ils Sont mais dans ils tirent chez les parents. Ouais, voilà, exactement. Et après, ça met les parents dans la merde, quoi. Ah bah oui, oui, ça, forcément. Et de là, si ça commence là, c'est chaud, quoi. Ah ouais, non, bah oui, ça c'est évident. Toi, t'as jamais parié, toi? Moi, en fait, je suis pronostiqueur professionnel. Donc, je suis là pour mettre les gens en garde. Pronostiqueur professionnel. Voilà, exactement. Donc tu sais t'avais misé quoi sur le Biélorussie-France ce soir? Malheureusement la France, malheureusement. Ah donc t'es pas vraiment professionnel puisque t'as raté. Ils ont fait match nul pour info. Il y a un message qui dit Paris stupide, j'ai parié pour le Portugal, ils ont perdu, c'est vraiment stupide. Ouais, bah contre la Suisse, ouais, 2-0 dans la gueule, hein, ça fait mal. Bon, enfin, on se refera la prochaine fois. J'essaie de mettre un maximum de gens en garde. D'accord. Surtout ceux qui sont jeunes, quoi. Ouais, bah j'imagine. Dans la merde. Bah c'est bien, c'est bien, cela dit. Eh ben Thomas, bah, merci d'avoir appelé en tout cas. Tu nous rappelles quand tu veux. Je peux faire un petit peu, Mickaël? Vas-y, vas-y. Ajoutez-moi sur Facebook, la page Facebook Thomas Lamas, les gars. Thomas Lamas. C'est très lourd. Très bien. Voilà, Thomas Lamas. Eh ben écoute, message passé. Merci, c'est normal que ce soit lourd, Thomas Lamas. Thomas Lamas. Lamas, oui. Voilà, exactement, c'est du lourd. Bon, bah très bien. Merci Thomas. Salut à toi. Merci Mickaël, ça gère. Et à bientôt. Merci beaucoup. Ciao à toi. Momo, Rémi et Corentin, dans un instant, qu'on va récupérer. Ça y est, Steven Spielberg est installé. Il est installé. Eh ben parfait, nous allons pouvoir démarrer. Action. Vous allez voir. Vous avez pas vu, mais je vous le dis. C'est-à-dire que là, il y a tellement. On a toutes des caméras ridicules sur nos gueules et lui, il a toute grosse sur sa tronche. Bah, c'est normal. Normal. C'est moi le beau gosse de l'histoire. Une grosse gueule, une grosse caméra. Oh, mais tu parles. Bon, on va se faire le mentez-leur, ils adorent qu'on leur mente. Et puis, on va faire ça juste après alors. Ah, bah, allons-y. Eh ben, très bien. Allez, c'est parti. Mentez-leur, ils adorent qu'on leur mente. On va accueillir. C'est Lucie qui est avec nous maintenant. Salut, Lucie. Salut. Comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Eh ben, ça va plutôt bien aussi, hein, tranquillement, j'ai envie de te dire. Hein. On va faire le mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente, donc, comme on le fait tous les mardis, c'est beau, magnifique. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, bah attends, je suis pas un menteur. Hein. Bon, mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente, donc, on va piéger qui alors, Lucie? Ma belle-mère. Ta belle-mère, comment elle s'appelle? Valérie. Valérie, elle a quel âge, Valérie? Bonne question. Ah, plus 48, moins. 49. 48, 49. D'accord, ok. Elle fait quoi dans la vie? Elle travaille avec les enfants dans un centre de loisirs. Centre de loisirs, donc avec les enfants, ok, d'accord. Mais quand tu dis que c'est ta belle-mère, c'est-à-dire c'est la mère de ton mec? Ou c'est ouais, ah, d'accord, ok, donc c'est la mère de ton mec. Qui s'appelle comment ton mec? Christophe. Ah, d'accord, ok, très bien. Tristan. Ah, Tristan. C'est presque Tristan, pareil, ça ressemble. Attends, je comprends rien. Tristan? Voilà, Tristan, qui t'a appelé plusieurs fois déjà. Ah, bah non, bah alors, comment tu. Ah non, mais c'est la belle-mère. Oui, c'est vrai, je suis con. Je suis confronté avec le chéri, je peux te faire cocu. Je dis, bah, on peut pas faire le jeu, il va nous griller direct, mais c'est la belle-mère, j'ai oublié. Ok, donc Tristan, pourquoi il nous a appelé déjà plusieurs fois? Parce que vous voulez me piéger, moi, sauf que ça n'a pas marché. Il avait pas capté que je recevais les emails aussi, donc voilà. D'accord, ok. D'où l'importance, très important même, de ne pas avoir de boîte mail commune. Je ne comprends pas les couples qui font, j'ai un pote comme ça aussi, qui font une boîte mail et je dis oui mais non mais je peux pas parce que ma copine va voir. Mais comment c'est ça, elle va voir quoi? Mais non, mais pas d'embrouille. Mais si, justement, dès que tu reçois un mail, n'importe quoi. Oui, pourquoi tu t'es inscrit? Et alors, il arrête pas de râler parce que sa meuf, elle s'inscrit à vente privée, à tout ce bordel, là. Bah oui, oui. Du coup, lui, il reçoit plein de mails, ils reçoivent les mêmes mails sur leurs deux téléphones. Et puis, ouais. Mais c'est une galère. Oui, mais au moins, tu sais, si jamais il s'inscrit sur Badou, je sais pas quoi, tu vois. Et alors, ça change quoi? Ça fait des problèmes. Parce que pour s'inscrire sur Badou, il va pas prendre une nouvelle boîte Gmail, c'est sacré. C'est le roi des teubés, il va mettre ça sur la boîte commune. Il y en a. Ouais, mais bien sûr qu'il y en a, mais enfin bon, quand même, quoi. Bon, bref. Bon, et du coup, donc Valérie, donc elle est centre de loisirs, 48-49. Elle habite encore avec le père ou son mari? Non, non. Donc elle habite seule? Voilà, avec ses deux enfants. Ah oui, deux enfants. Et donc ton mec, il habite encore à la maison ou lui, c'est non? Non, on a dit ensemble. Ah bah je sais pas, t'as quel âge, Lucie? 29. Ah oui. Forcé. Quand même. Très bien. Et donc toi tu fais quoi dans la vie? Moi je suis vendeuse en charcuterie. Vendeuse en charcuterie, d'accord. Et ton mec? Dans la sécurité. Il est dans la sécu, ok. Et lui donc c'est Tristan, parfait, ok. Alors, donc, dis-nous un petit peu là, est-ce qu'elle t'aime bien, est-ce qu'elle t'aime pas la belle-mère là? Si, ça va. Ouais, sans plus ou... Si, on s'entend bien. D'accord, ok, très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans, vous avez des enfants ? Une. Une fille, donc, d'accord. Ok, très bien. Parfait. Et lui, c'est plutôt un mec sérieux ou il a tendance à aller voir à gauche, à droite ? Ou en tout cas à l'époque ? Avant moi, oui. Ah, avant toi, oui. Donc encore aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, tu ne vois pas. Il a appris à faire les choses correctement. Correctement, bah oui, c'est le mot. Bah oui, oui, oui. Il a appris à ne pas se faire gauler, quoi. Voilà. N'est-ce pas, Toff ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, bah non, parce que genre, je ne sais pas. Toff est l'homme idéal. La fidélité même. C'est un mot inventé pour moi. Exactement. Ah, quelle horreur. Eh ben dis donc. Bon, ok. La fidélité, alors... mais non, c'est vachement bien, Mina, tu devrais essayer. Ouais. L'ironie, c'est horrible. Ça, c'est sûr. On va réfléchir à des mensonges, du coup, que tu vas pouvoir balancer à Valérie, donc ta belle-mère, pour qu'elle s'énerve, forcément. Je rappelle donc qu'il y a des bracelets Fitbit à gagner, peut-être une Xbox One également, si jamais tu es vraiment, si jamais vraiment on se marre. Et donc, vous êtes déjà dit de mensonge ou pas, Amina, Toff, oui. Polo, oui, Amina, Polo aussi. Ah, parce Toff. Que c'est vous qui t'avez. Je vais y réfléchir. Ah, bah, c'est tout le principe, Lucie, c'est nous qui t'imposons des mensonges et c'est à toi d'être bonne et de les lui faire croire. Ah, ouais, sauf que tu m'as pas dit ça, mon. Ah bon, t'as dit quoi c'est pas au standard. Ouais, t'as dit que c'était à moi d'inventer. Ouais, mais non, mais c'est un idiot, il faut pas faire t'as attention. T'as pas dit que c'était le jeu de la choucroute. Mais voilà, c'est ça. En fait, tu dois choisir une choucroute et on va la faire tourner. Mais non. Et après, on l'envoie à ta mère. Allez, non, hop. Cela dit, on n'est pas fermé au fait que tu puisses proposer aussi un mensonge. Tu vois, si nous, ça nous fait marrer, tu peux le faire. C'est pas un problème. Mais à la base, c'est nous qui le proposons, les trois mensonges. Bon, écoute, de toute façon, ne t'inquiète pas, on va demander l'avis de tout le monde. Si vous avez des idées, tout ça, n'hésitez pas. On va te reprendre dans un instant après le son et on se fait le menteur à Zador qu'on leur demande, d'accord? Ok, pas de soucis. Eh ben très bien, ne bouge pas de là, on s'écoute le son de Enrique Iglesias maintenant, on se fait le menteur après. Et le relooking de Toff en direct sur Insta, c'est sur MIKL officiel et sur le Snap d'Énergie, c'est Énergie Radio, prenez votre place. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él. Porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Con un beso, yo quiero acabar. ce sufrimiento que te hace llorar. Bonne nuit tout le monde, il est 1h04 du mat, on est sur Énergie, comme tous les soirs, on va se faire le menteleur, elles adorent qu'on leur mente. Toutes les nuits jusqu'à 4h, c'est Mickaël sur Énergie. Énergie, mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël, officiel. Et je rappelle d'ailleurs au passage que vous pouvez gagner votre iPhone sur le Facebook de l'émission, si vous voulez tenter votre chance, venez simplement nous rejoindre sur la page, si c'est pas encore fait. Petit like sur Mickaël officiel, en looking de Toff en direct avec Anastasia, l'auditrice qui est passée refaire la gueule de Toff, ce sera filmé et ce sera également, on va faire quelques petit story sur Insta si vous voulez voir à quoi ça ressemble en live hein, dans les studios, vous venez simplement sur Mickaël officiel maintenant. Et puis du coup en attendant on va se faire donc le menteleur, elles adorent qu'on leur mente. T'es toujours là du coup Lucie? Je suis toujours là. Et bah très bien, donc menteleur, elles adorent qu'on leur mente. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va piéger ta belle-mère, donc c'est la mère de ton copain qui s'appelle Valérie. Oui. Elle a quasiment 50 ans, elle travaille dans un centre de loisirs pour enfants. Ton mec, donc son fils, s'appelle Tristan. Lui, il a quel âge d'ailleurs, lui? 28. 28, d'accord, ok, très bien. Il bosse dans la sécu. Toi, t'as 29 ans, t'es vendeuse en charcuterie. Vous avez une fille, vous êtes ensemble depuis 5 ans. Le principe, donc, on va t'imposer 3 mensonges. Il va falloir que t'arrives à les lui dire, évidemment. Et surtout, est-ce qu'il y croit, tu vois? Il va falloir être bonne dans le mensonge. Est-ce que tu mens bien, Lucie? Non, sans plus. Sans plus, bon, il va falloir être bonne, hein, sinon tu gagnes pas le cadeau, forcément. Bon, alors Amina avait une idée de mensonge. Non, oui. On va d'abord commencer par toi, Lucie. T'as une idée t'avais une idée de mensonge ou pas, toi? Bah, moi, je sais pas, il m'a dit. Non, vas-y, tu sais quoi? Que ma fille, je la supporte plus, que je voulais la faire adopter. Et que parce que mon compagnon il était jamais là, de toute façon il avait pas son mot à dire. C'est pas mal. Là-dessus, je sais, ce serait énervé. C'est pas mal, c'est pas mal. On garde de stock. Amina? Moi je pensais que en fait, avec son mec, ils ont réussi à faire un crédit pour Noël. Il lui offre un lifting, donc c'est sympa quand même. Comme elle va avoir 50 ans bientôt. Ah ouais, lifting des 50 piges, parce qu'effectivement il faut faire un ravalement de façade à un moment, ça commence à se voir quoi. Lifting pour les 50 ans, c'est pas mal ça. Attends, c'est bas là, moi j'ai une idée. Très bien, bon Polo. Je t'emmerde. Tu vois, faut dire je t'emmerde. Bon, alors. Non, comme tu travailles dans la charcuterie, tu voudrais lui prendre. Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est parce que Sébastien Gouré, il a expliqué à Lucie qu'en fait, il fallait qu'elle invente les 3 mensonges, alors que c'est les mensonges qu'on impose. Les mensonges au Canada. Et là, il essaie d'appeler le Canada depuis tout à l'heure. Bon, bref, alors. Et en fait, comme tu travailles dans la charcuterie, tu voudrais. T'as besoin d'elle pendant 2 après-midi parce que tu vas faire une statue géante d'elle en charcuterie en cochon. Parce que tu voudrais lui offrir ça pour son anniversaire. Ouais, voilà quoi. C'est bien ça. C'est sympa. Mais fais-le bien. T'as un côté artiste. Statue en cochon, Toff? Non, moi, tu voudrais qu'elle. Avec de la couenne de porc. Hein. Tu voudrais qu'elle te couvre pour tromper ton mec. Ouais, j'avais pensé à ça aussi, ouais. Alors, couvre pour tromper le mec. D'accord. Ouais, c'est pas mal ça. Tu dis que, ouais, ça peut être bien. Alors, on va pas faire la fille adoptée. On va le garder en joker. À la limite, c'est le quatrième. Tu peux éventuellement le placer si tu veux, ce sera le bonus. Mais bon, tu sais, comme c'est la fille adoptée, faut voir. Mais effectivement, la couverture, donc tu sais, t'appelles ta belle-mère. Tu dis, voilà, écoute, je compte sur ta discrétion parce que, voilà, tu sais, comme il est pas là souvent, moi, je manque d'amour et de sexe, tu lui dis, hein, franco de porc, hein, faut pas hésiter. Et que, bah, en gros, t'aimerais bien qu'elle garde sa petite fille, donc ta fille. Un soir, une nuit, un week-end, peu importe, pour que tu puisses aller voir un autre gars, voilà, juste pour le cul, quoi. Normal. Voilà. Oui, quoi. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Elle habite à Paris, moi, je suis en Vendée. Hein. Ah bon, bah alors c'est pas grave. Dis-lui que au cas où, voilà, peu importe, et tu lui dis simplement que voilà qu'elle te couvre au cas où elle appelle. Oui, bah voilà, bah nickel. Un week-end complet. Tu pars avec la petite voir ta belle-mère, lui on va dire qu'il travaille, peu importe, et que voilà, qu'elle te couvre, que si jamais son fils appelle, qu'elle confirme que t'es là, alors qu'en fait t'es pas là du tout, et que tu vas te faire défourailler par l'autre gars. Ouais, c'est une bonne idée ça. C'est pas mal ça. Tristan, il arrive dans la conversation, ça veut dire bonjour, il a une bonne idée. Ouais, salut Tristan. Bon, donc c'est pas mal. Lucie, on valide celui-là. Bon, la statue en cochon, bon, ce sera le dernier. Hein. Mets-le à la fin, vaut mieux, parce que sinon je pense qu'elle va sentir la supercherie. Ah non, ça fait un mélange bizarre, hein, votre truc. Hein. Ouais, mais justement, c'est le principe. Le but, c'est que ce soit pas non plus forcément des mensonges faciles à placer. Hein. Évidemment, faut qu'on se marre aussi un minimum. Le lifting des 50 ans, je valide. Et donc, du coup, la fille adoptée. Eh ben écoute, t'auras 4 mensonges. Voilà. T'auras 4 mensonges à placer. Si t'en mets 3, c'est bien. Ok? D'accord. Bah, tu peux faire un 3 sur 4, c'est quand voilà, même pas mal. 3 sur 4, c'est pas mal. C'est toujours mieux que les scores de Toff en général quand il fait des jeux. Bon, on y va, Lucie. Je vois pas pourquoi tu dis oh, ça. Oh, l'attaque. Ah, et elle claque dans sa gueule. Alors que je suis le meilleur, je suis volé en permanence. Ah, c'est, ouais, c'est, pas, ça, c'est ouais. On joue à quoi là? Je t'emmerde ou le jeu de la piscine là? Bon, on y va, Lucie, t'es prête? Ouais. Allez, bonne chance. Wow. Xbox One a gagné. Si t'arrives à placer les 4, t'as la Xbox One. Bonne chance. Ouais. Et qu'on se marre aussi, évidemment. Parce que... Ok. Il faut que ce soit naturel, hein. Ah non, malheureusement, j'ai une erreur 503 oh sur le standard. Là, c'est pas possible. Allez. Il est mauvais. Erreur 503 ah, non, non, erreur. Non, parce qu'il manque un chiffre dans le numéro. Ah, il manque un chiffre. Oh, c'est bas au standard. Dit l'espagnol, dit. Le génie. Dit à l'aise. Ah, voilà. Il y a tous les chiffres, mais ils sont pas bons. Ah oui, ça c'est marrant parce que c'est le bon numéro pourtant. Attends, on réessaye. Ah bah non, erreur. Bon, bah écoute, je sais pas quoi faire, moi, ça fonctionne pas. Ouais. Le numéro à ma sœur. Ah, mais la sœur est avec ta mère? Ouais. Bah voilà, bah appelle, on va appeler la sœur. Allez, on y va, on l'appelle. Donc, du coup, Lucie, tu demandes à parler à la belle-mère, évidemment. Je pense que maintenant, on peut dire les alors... Ouais, c'est Yann, c'est Lucie, ça va? Je te réveille? Tu dors à moitié. Je suis désolée, c'est que j'arrive pas à joindre Val sur son téléphone. Normal, on s'est fait cambrioler, on n'a plus de portable. Eh ben voilà. C'est pas vrai. Si, je t'expliquerai demain, je te jure, je peux pas répondre, je suis à bout de fatigue. D'accord, ok, donc bah, je te laisse. Je lui dis de... Ou tu peux pas me la passer? Non. Non, là mon téléphone il est en train de charger à côté de moi, j'en ai besoin demain matin à 5h. D'accord. Vas-y, donc tu prends ton numéro, tu écris sur un papier et tu rappelles avec ton téléphone. Réponds là. Allô? Ouais, Val. Allô? Ouais, ouais. Nous sommes dans une... Ça va, je te dérange pas ? Dans une dimension particulière. Non. En fait, ouais, je t'appelais parce que... voilà, je voulais que tu m'aides parce que... Enfin, voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et puis, je dois aller le voir ce week-end. Donc, j'aimerais savoir si tu pouvais me couvrir si jamais Tristan est de poser des questions ou quoi que ce soit. Là j'en ai vraiment marre, il est jamais là, j'en peux plus. Elle va pas chialer quand même. Et il est où, mais quand je te couvre. Donc si jamais il t'appelle, qu'il te demande si où je suis ou quoi que ce soit. On doit se marrer, je lui ai dit quand même avant. Un beau bar. On n'est pas en train de faire les feux de l'amour là. Bah ouais, mais pour la façon il pourra pas m'appeler parce qu'il est plus à ta déchirée. Oh là putain, là, bah oui, bah oui. Ouais, viens me le dire, là. Mais. C'est pas sa soirée. J'ai plus de téléphone, j'ai plus rien. Hein? Non, mais enfin, oui, s'il essaie de te contacter, même sur Facebook ou quoi que ce soit. Oh là là là là, elle nous l'a fait en mode déprime. Attends, déjà, je vais te prendre ton numéro. Eh ben je vais parce te rappeler. Elle va se coucher, elle a besoin de son téléphone. Je te prends le numéro, tant que je couche pour un papier. Oh là là. Bon, on va couper là pour pas que le numéro passe quand vas-y, même. Vas-y, donne-moi ton numéro. Allô? Ouais, allô aussi. Oh là là là. Mais quelle galère. Mais quelle, j'ai coupé le numéro là. 84. Voilà, en 84. Très bien. 36. Oh merde, putain, 36. Bah vas-y, balance tous les numéros aussi, hein, tant qu'on y est. On répète, non? Oui, bah 06. Ouais. 40. Oh, bah mais oui. C'est pas vrai, ils le font. Oh putain, what? Mais c'est dur. Ok. Ah bah voilà, très bien. Bon, mais. Comme ça, je te rappelle ou. Voilà. Je te donne. Très bien, on va plutôt faire ça à ce moment-là. Ouais, hein. Et à la fin, on fera comme aux États-Unis. Je suis Seba et j'approuve ce jeu. Ouais. Ouais, je pense que ce sera mieux que c'est toi qui m'appelle. Dans le sens où moi c'est une carte retraillée, puis comme j'ai des problèmes là avec les vols, j'ai besoin d'unités dessus. Ouais, mais la meuf elle a autre chose à penser. Quand même, je vais le mettre dans l'agenda. C'est que j'ai plus rien, j'ai plus de numéro, j'ai plus rien du tout. J'ai plus. Oh là là là. Mec, comme mon numéro. Voilà. Bah attends, sinon tu te donneras sur Facebook, je te rappellerai demain. Et tu peux me rappeler tout à l'heure, y'a pas de soucis, moi je suis pas couché. Hein. Bah envoie-le-moi sur Facebook alors.

direct, on est sur Énergie. Toff est en train de se faire relooker. Oh là là là là là là. Je vous fais une petite vidéo en live sur Facebook également, mais vite fait pendant la pub. Ça va durer une petite minute, donc connectez-vous maintenant si vous voulez voir ça. C'est sur MIKL officiel. Et on se fait aussi les petites stories là sur Insta. Si vous voulez voir les photos, les vidéos, tout ça, venez me rejoindre aussi sur Instagram. C'est sur MIKL officiel. Bon, il y a Alvaro Soler qui va arriver dans quelques minutes. On va récupérer Momo, Rémi également de Noisy-le-Grand. Salut Rémi, comment ça va? Rémi? Ouais, allô? Ah, salut Rémi, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Ben, on va se mettre la pub le temps que t'enlèves ton kit Malibre ou le haut-parleur ou que tu t'achètes des meubles. Et, peur, et on revient juste après. Rémi, bouge pas, il y aura Pierre-Jean également de Strasbourg. Salut Pierre-Jean! Ouais, salut! Salut à toi, c'est on Pierre va parler. C'est les deux. On va parler de paris aussi dans quelques instants. Je vous demandais si vous aviez déjà fait des paris stupides ou vous avez perdu beaucoup ou pas. On va en parler avec toi, Pierre-Jean, tu bouges pas? Ouais, ouais, mon gros, je suis chaud là. Oh, bah très bien. Et puis on écoutera aussi le son de Kungs. Et il y aura Ken Jones. Et vous en direct. Allez, on se met la pub en speed. On revient juste après avec la nuit sans pub sur Énergie pour parler en direct avec nous, pour faire des canulars, pour parler de ce que vous avez déjà vécu ou votre journée d'aujourd'hui, par exemple. 01 40 71 5000. Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. 01 40 71 5000. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Jean-Baptiste ? Oui ? Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Eh ben oui ! Ton salaire c'est 1 700 euros, je vais le doubler, ça va c'est faire 3 400 euros. Bah merci à vous, franchement vous êtes géniaux, je vous écoute tous les matins, continuez comme ça, me fait rire, franchement vous êtes super. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait déjà loup, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Gagnez toute la journée. Votre compil Énergie Back to School 2016. Tous les hits de la rentrée réunis sur 3 CD avec en exclu Charlie Puth et Selena Gomez. Soprano. 21 Pilots. LP. David Guetta. Jennifer Lopez. Amir. The Parakeet. Kenji Girac. Strombolas. Slimane. Jonas Blue. Alvaro Soler. La compil Énergie Back to School 2016. Déjà dans les bacs. Votre vie est faite de joie, de peine, mais aussi de surprises. Si vous aviez été prévenu, vous auriez réagi différemment et mieux. Envoyé par SMS Avenir au 7-20-12. Nos équipes de spécialistes en astrologie et voyance se tiennent à votre disposition pour éclairer votre avenir. Avenir, AVENIR, au 7-20-12. Vous n'êtes plus seul pour affronter les assauts du destin. Envoyez Avenir au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, e-énergie. Parce que dans la vie, tu peux tout rater. Ta journée, ton dîner, ton mariage, tes examens, tes vacances. Tu peux tout rater, vraiment tout. L'erreur est humaine. Mais il y a une chose que tu ne peux pas rater. Ta nuit. Ta nuit. Si tu veux la réussir. Une seule solution. Mickaël, Toff, Polo et Amina sont là de minuit à 4h sur Énergie. Allez, c'est reparti, on est en direct. Je venais juste de faire un petit live sur le Facebook de l'émission avec ceux qui étaient connectés. Si vous voulez voir la vidéo, bah, elle est là, vous pouvez y aller. On est... Attends, là. Je vais retrouver la vidéo après. Donc c'est sur MIKL officiel. Toff se faire looker par Anastasia, donc une auditrice qui est passée nous voir. Fais-toi plaisir, Anastasia. Vas-y. Elle lui a fait des dessins sur le front. Non, mais... vas-y. On dirait un contouring de Kim Kardashian. Ouais. Non, mais vraiment. Qu'il est laid. Je me sens beau gosse. Il va faire une chaîne YouTube bientôt, il va faire une chaîne make-up. Salut les filles. Ouais, avec des tutos. Alors aujourd'hui, aujourd'hui les boys, alors ce qu'il faut faire pour avoir une peau parfaite, il y a bien des gens qui font des chaînes vidéo alors qu'ils y connaissent rien. Ah bah oui, mais bien sûr. Il peut le faire, il n'y connaît rien en maquillage. Enfin, à ce niveau-là, on peut plus appeler ça du maquillage, c'est de la peinture. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a tellement c'est là. C'est génial. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ah, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Bon, il y a donc Pierre-Jean de retour. On suivra au fur et à mesure l'évolution de la gueule de Toff et surtout évidemment sur le snap d'Énergie sur Énergie Radio ou sur Instagram, on vous met des petites photos, des vidéos au fur et à mesure. Venez nous rejoindre sur MIKL officiel. Bon alors Pierre-Jean à Strasbourg. Ouais, salut tout le monde, salut toute l'équipe. Strasbourg. Alors bienvenue à toi. Dis-moi Pierre-Jean, tu nous appelais par rapport au Paris, toi, c'est ça? Eh ouais. Eh ben mon con c'était avec toi à l'époque. À l'époque de la Durantaine, c'était sans interdit. Ouais. Il y a déjà quelques années, vous étiez venu pour le NRJ Music Tour et vous avez fait un espèce de rassemblement sauvage pour gagner des places en cette place Kéder le soir, mais, tu vois. Oui, mais je sais, j'ai failli me battre là-bas. Pourquoi comment ça c'est moi façon, les gens, je me souviens, il y avait trop de gens trop cons, tu vois, enfin, comme chez vous, en fait. C'est normal, c'est Strasbourg. Bah oui. Mais tu me rappelles cette histoire, là. Vous aviez fait un truc genre à l'arrache parce que c'est la guerre et que c'est le bordel. Mais vous avez dit, celui qui me fait le truc le plus ouf, il repart avec les places. Ah bon? Bah, j'ai enlevé mon frein, j'ai foutu mon calbut sur la tête et j'ai fait le tour de la place Kléber deux fois. T'as gagné? Ouais! Et c'était quoi les places? J'ai joué une partie de laser avec vous et tout, tu vois. C'était les NMT. Ah oui, NRJ Music Tour, juste, putain. Mais ça date d'il y a. Ah bah, ça date. Bah écoute, on a raté sans interdit, c'était en 2010, donc ça peut dater que d'avant, hein, de toute façon. Ah oui, putain, je me souviens. Et c'était Polo qui était parti, sur Strasbourg. Sur la place. Ouais. Et en fait, à un moment donné, c'était noir de monde et tout. Et j'ai failli taper un mec. Non, mais c'est véridique. C'est hein. En délicatesse, toujours. Et en fait, j'étais entouré par la foule. Ouais. Que des gogoles, quoi. Et puis, après, j'ai réussi à m'en sortir. Et tout le monde m'a lâché. Hein. Il y avait des gens d'énergie que je n'aimerais pas. Et tout, ils sont tous sauvés. Hein. Ouais, c'est véridique. Ils sont tous sauvés. Je me suis retrouvé tout seul dans la foule, prêt à taper, quoi. Oh là là. Ouais, t'avais la team Énergie Strasbourg qui était là et tout. Je m'en souviens de toute ma vie. Ils ont eu peur. Et celui qui me fait le truc le plus ouf, le plus débile tout de suite, il repart avec les places. Bon, bah, comme un con, j'ai mis mon calbut sur la tête. J'ai fait deux fois le tour en courant. J'ai eu mes places. Ouais, écoute. Bon, bah, finalement, bah, tu regrettes pas. C'est bien, t'as bien fait, quoi. Bah, non, c'était bonheur. On avait passé une bonne soirée. Ah, mais toi, pas moi. Tu m'étonnes. Bon, bah, merci, Pierre-Jean, en tout cas, d'avoir appelé pour nous remémorer ce petit souvenir sympa. Voilà, bah, toutes les années de Libre Antenne où je vous suis, franchement, continuez parce que. Eh bah, c'est gentil, tu vois, vous nous faites carrément délirer. On est toujours là comme des mauvaises herbes. À chaque fois, on met du répulsif, on revient. Si, bah oui, on est de la mauvaise herbe. C'est pour ça que, regarde, quand on voit la gueule de Toff. Putain, il est devenu beau! Non, regarde, il est propre. Ouais, bah, non, il est propre. Mec, je te jure, il est propre. Mais heureusement, c'est maquilleuse professionnelle qui est là. Il manquerait plus que même avec ça marche pas. Mais il se la raconte un peu, regarde son regard. Ouais, il est là, de profil. Mais arrête, on va le pas il non s'est plus. C'est plus pour Jules César. C'est clair. Bon, on vous met les photos au fur et à mesure. Enfin, c'est Amina qui le fait sur la page Insta de l'émission. C'est MIKL officiel. Si vous voulez voir tout ça au fur et à mesure en live, en attendant bien évidemment la vidéo qui sera dispo dans les heures à venir. Bien entendu, hein, on mettra ça sur le Facebook de l'émission. Merci Pierre-Jean d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Hein. Ciao, ciao, bonne nuit. Salut à toi et merci en tout cas d'être toujours là. Momo, donc, qui s'est fait arnaquer de 12 000 euros donc, par son ex-copine. Attends, parce que là, on a Seba le serveur qui vient de revenir dans le studio, là. Il nous a ramené ses petites tranches de cake. Sa tranche de cake et des tranches de cake. Également. Bah, qu'on mette ça sur Insta, sur MIKL officiel. Le mec serveur, il revient avec ses petites tasses de café, là. Il arrive. Donc, pour ceux qui étaient en train qui voulaient passer à l'antenne en appelant 01 40 71 5000, si ça sonnait dans le vide, bah, d'ailleurs, je vois qu'il y a une petite lumière qui clignote, là. Si ça sonne dans le vide, rassurez-vous, c'est parce que Seba fait le service. Ah bah, il y a d'autres priorités que l'antenne quand même. Ah bah attends, il peut pas être partout. Le café penses. Sur l'urgence. Mais attends, le cake. Évidemment, et le cake, mais il sort d'où ce cake? Un cake protéiné. C'est une blague, putain. Il a été faire un gâteau depuis tout à l'heure. Mais c'est pas possible. Mais mec, il est dans la vue. Mais c'est sur M6, tu dois aller bosser, mec, dans les émissions de cuisine. Le meilleur pâtissier de France, il a qu'à faire ça, tiens. Master chef et tout master, ça. Ouais, c'est ça, master con, alors, s'il va pas faire. Hein. Master prot. Les meilleurs protes. Putain. Oh là là. Bon, tous ceux qui ont essayé d'appeler depuis les 5 dernières minutes, bah recommencez du coup. Maintenant, il y a quelqu'un, il est là. Désolé. C'est, bah, c'est 01 40 71 5000. Bon, du coup, Momo. Il est horrible. Ouais, on parlait de Toff, hein, pas de toi. Je peux te dire un truc, Mika? Dis-moi. Toff, faut que je te dise qu'il est atteint du syndrome VDST. C'est quoi ça encore? Vieux dans sa tête. Vieux dans sa tête? Pourquoi? C'est le syndrome VDST, bah, parce que tout simplement, il est moche. Donc, sa seule solution, c'est d'essayer d'être drôle pour essayer d'être beau. Le pauvre. Oh le pauvre. J'ai pas compris le. Oh le pauvre. Bah, il a tellement rien pour lui apparemment qu'il est obligé d'être drôle pour. Il en a rien à foutre d'avoir complètement quelque chose pour lui. Il est là. C'est naturel, c'est lui. Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est ça. Bon, bah, merci Momo d'avoir appelé. Tu nous rappelles quand merci, tu veux, d'accord? Merci, à la prochaine. Salut à toi, Momo. Bye bye. On aura Sergueï dans un instant. Ah. 01 40 71 5000. Si vous voulez passer en direct avec nous à l'antenne, vous êtes les bienvenus. Jeune François, ce qui dit les souvenirs de Polo, c'est toujours j'ai failli me battre, trop de gogol. C'est vrai, à chaque fois qu'il parle de quelque chose, il a failli se battre et il y a toujours trop c'est de gogol. En plus. Lui ne faisant jamais partie des gogol, bien entendu. Hein. Mais Félix... attends, mec, je me retrouve en plein milieu d'une place avec 50 000 gogol. Mais ouais. Félix, il dit la seule émission que je peux écouter de la programmation d'Énergie France, c'est Mickaël. Eh ben, écoute, c'est déjà ça. Hein. Ah oui, rapport aux horaires. 18h, 22h au Canada. Ah oui, oui, oui, oui, oui, évidemment. Alexandre qui dit Toff est vraiment une mauvaise herbe. T'as beau foutre du désherbant ou du make-up, il reste toujours moche. Ouais. Bah, ça, on sera fixé après le maquillage. Hein. Et Anastasia, l'auditrice de Hâte en Belgique, qui est passée relooker la gueule de Toff, qui me confirme hein, les dires là. On met de la poudre. Hein. Jeanne-Françoise qui dit chat, soirée chargée pour Toff, d'abord maquillé, puis il va se faire enculer, ça doit être ça la nouvelle tête. Ouais, et le tilteur qui dit on peut le mettre dans le cul de Toff, le piment le plus fort du monde. Oui, on pourrait effectivement, mais il va kiffer ça, c'est il ça aime le pire. Bien le piment. Lui. Mais bien sûr. Bon, on va se faire des appels mal intentionnés à suivre dans un instant. D'abord, le son de. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Le son d'Alvaro Soler, tiens, je l'ai promis, on va t'écouter tout de suite. Et on récupère Sergueï et Rémi du coup dans un instant. 01 40 71 5000, c'est Mickaël sur Énergie, on est là jusqu'à 4h. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. On est sur Énergie, 1h33. Bon, je vous mets coups dans quelques minutes. Toff qui se fait toujours maquiller, enfin relooker plutôt. Hein, c'est plutôt ça. Hein. Ouais, pour l'instant, c'est ça. C'est de plus en plus beau gosse. Si vous voulez voir ça en direct avec plein de photos, c'est sur Instagram que vous devez venir nous rejoindre. C'est sur MIKL officiel. Parce que la nuit, c'est le désert à la radio. Personne n'est là pour toi. Tout le monde t'a abandonné. Mickaël est en direct sur Énergie. Une oasis pour t'accompagner la nuit, mais... Attention au mirage. Mickaël sur Énergie. De minuit à 4h. Et on va se faire tout à l'heure aussi le jeu du gros. Si vous voulez nous jouer, si vous voulez jouer avec nous, vous pouvez nous appeler au 01 40 71 5000. Vous appelez Seba au standard, alias Alaise, alias Serveur, alias... alias l'Espagnol, alias le Parasite, alias la Prote. Voilà, vous pouvez donc appeler au 01 40 71 5000 et on fera aussi le merci pour ton ex tout à l'heure avant 4h. Tof, on peut faire une petite pause là, 2 secondes là, dans le maquillage, là, le temps de se faire. Ah, parfait, le temps de faire les appels mal intentionnés. Oh, quelle gueule, putain, j'ai l'impression de parler un trave. Oh là là. Bonjour. Oh là là là là, mais quelle gueule. Bon, appel mal intentionné donc avec cette étude canadienne qui dit qu'il faut au minimum 30 minutes de préliminaire, pas moins, pour un rapport sexuel satisfaisant. Donc tu confirmes ou pas, Amina? Bah ça dépend, préliminaire c'est quoi? C'est bisous compris, tout ça, bonjour, bisous. Texto. Dans ce cas, oui, 30 minutes. Ma gueule, là, tu te fous de ma gueule ou t'es. Bonjour, non. Texto. Ou mais, t'es nié en vrai. Non, mais en vrai, les préliminaires, c'est un peu tout. C'est les bisous, c'est, tu vois, le temps de s'installer, d'éteindre la non, télé. Non, les préliminaires, c'est à la bite du mec dans ta bouche. C'est une grosse blague, pas du tout. Hein. Ça, c'est les préliminaires. Mais pas du tout, les chatouilles et tout, ça compte. Hein. Non, mais non, c'est les bien, chatouilles. Bah, oui. Les chatouilles, c'est quand il te met un doigt, c'est ça que tu veux dire. Ah c'est mal de parler comme ça. Mais non, mais on appelle les préliminaires. Appelons un chat un chat. Mais les préliminaires. En vrai, les câlins, les bisous, les proutes dans le cou et tout, ça compte comme préliminaire. Quoi, tu te fais péter dans le cou? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, mais c'est dégueulasse. C'est pratique dégueulasse. Mais attends, oui. Personne fait ça. Bah, tout le monde fait ça. Si, à la maternelle, tu proutes dans le cou de quelqu'un. C'est oui. Rigolo. Une meuf, elle me fait ça. Une baffe dans sa gueule, je dis dégage, salope. Et il dira qu'il y a 30 gogoles également. Voilà, oui, c'est vrai. Et Anastasia, puisqu'on a une deuxième fille dans l'équipe ce soir. 30 minutes, ça te paraît honnête ou pas, ça, de préliminaire pour que le rapport soit réussi? C'est un peu long, 30 minutes quand même. Bah ouais. Ah, toi, t'aimes bien y aller cash, toi? Bah non, c'est long. Autant aller à l'essentiel, ouais, t'as raison. Voilà, bah oui, dans le bus, normal. Ouais. Évidemment, ouais. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait dire autre chose. Non. Bon, on y va, c'est parti. Toi, tu vas appeler tes amis, tu vas leur demander donc, du coup, si eux sont d'accord avec ça. Yeah. Oui, allons-y. Allez, c'est parti, on y va, on appelle grâce au numéro que vous envoyez sur le mail de Tof. Continuez, toph@energie.com. C'est parti. Oui. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir combien de temps ça doit durer les préliminaires selon vous? Quel de con, on va. Oh, bah, faut que vous dites ça madame. Elle t'a bien traité de con, elle a bien cerné le personnage. Ouais, franchement, ça se fait pas. On rappelle. Voilà. Allô? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Ouais, parce que c'était de la grossièreté, espèce de con. Mais pas du tout, monsieur. Je veux juste savoir combien de temps vous aimez que ça dure, les préliminaires. Le temps qu'il faudra. Oui, ça mais va? Bah non, ça fait combien de temps, ça, monsieur? Ça fait le temps que tu veux voir, imbécile. Bah non, monsieur, non, moi, je veux pas, c'est pas le temps que je veux, c'est le temps que vous aimez, monsieur. Allô? Ah, allô? Ah, il a nouveau raccroché, c'est pas grave. Une petite musique rock'n'roll sur la oui, fin, comme ça. Oui, c'était pas mal. Bon, on rappelle. Enfin, rock'n'roll, genre rock des années 80, quoi, d'une vieille série télé. Hello. Oui, je m'excuse monsieur, on a été coupé. Oui. Oui, parce que du coup vous m'avez pas dit combien de temps vous aimez que ça dure les préliminaires. Pas de temps enculé. Mais pourquoi voulez-je faire ça monsieur, ça a aucun rapport. Oh, qu'est-ce qu'ils sont lourds ce soir là, putain. Bon, rappel. Je vais finir par avoir quelqu'un qui va répondre. Une simple réponse, on est content nous hein. Allô mon pote, ça va? C'est pas pour être méchant, mais t'es sur ma messagerie là. Ouais, je conduis en ce moment, alors je vais pas te répondre. T'avais un truc important à me dire? Eh ben, va falloir attendre. Je teste mon nouveau moteur là, et il envoie du lourd. Je t'en dirai des nouvelles. Allez, à plus. Du message. Bon bah très bien. Eh bah voilà, le mec il est grossier, mais à côté de ça, il fait des messages ridicules comme celui-là quoi. C'est triste. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave. Dans moins d'une heure, d'autres appels mal intentionnés. On va continuer avec le relooking de Tof en direct. Là, on va également récupérer Rémi, Sergueï et Corentin. Corentin dans un instant. Bah Corentin qu'on va prendre tout de suite. T'es là Corentin de Péronne? Ouais. Ouais. Ça va Corentin? Ouais, ouais. Bon bah bienvenue. Ouais, ouais. Hein. Bah oui ça va ouais. Message qui est arrivé qui dit tu demandes à Amina t'es sérieux par rapport au truc sexuel là? La Amina la meuf la plus frigide de France. Ah oh, ça va. Oh là là. Tu pas sais, du c'est tout. Souvent celle qui en parle le moins. Ah oui. Le plus. Qu'est-ce exactement. Que tu insinues? Rien. Bah, t'es une grosse cochonne. Ça non pas du tout. Attends c'est ça. Ce que Toff m'a dit. Hein. Il vient de me lever un papier en disant c'est une grosse cochonne. Bah c'est bien c'est un traître. T'as vu? Bravo. Et voilà, bravo, tu vois, c'est ça. Hein. Nouvelle qualité. Exactement. Corentin, tu nous appelles pourquoi, dis-moi. Ah, moi, c'était en début d'émission, il y avait Steven qui a fait un rappel de j'ai quoi, rien compris. Top. De quoi? Allô? Ouais, tu m'entends? Bah, je t'entends, ça, je t'entends, c'est pas un problème, c'est que j'avais pas compris ce que tu disais. Parce qu'en début d'émission, il y avait Steven qui avait rappelé que Top, il devait partir avec un routier à chauffer. Ah oui, oui, oui, tout à fait, ouais. Ah, moi, il n'y a pas de souci, s'il veut, je le prends. Hein. Ah, mais tu roules dans quoi, toi? Tu roules dans quoi? Tu le prends par le cul? Mais non, en camion. C'est un fourgon, moi. Ah, c'est un fourgon, ouais, mais Toff, il vogue dans les frigos. C'est pour le kidnapper? Ouais, et pas de bâcher, hein, pas de bâcher, moi je fais pas les bâchers. Hein. Genre, tu vas faire ce qu'on dit de faire, il fait pas de bâcher, mais non, monsieur, il fait les. Il a raison, c'est dingue ça. C'est des pilates. Bientôt, monsieur ne se déplacera plus qu'en Ferrari. Bah, évidemment. J'exige une Ferrari. Bah, non. Ça existe des camions Ferrari? Non, je crois pas, non. Ah, merde. Mais Corentin, cela dit, bah, pourquoi pas? Mais après, tu passes jamais par Paris? Ah, bah, si, moi, je l'ai sur Paris, moi. Ah, bah, pourquoi pas, oui, ça peut être bien. Alors, et tu transportes quoi? Des pièces automobiles. Merde, du fumier, ça aurait été bien. Ouais, putain. Ah, ouais, si quelqu'un transporte du fumier, on fout off dessus. Ou du bétail. Ouais. Tu sais, des chevaux, des chiens, de la merde, quoi. Oh, non, putain, ouais, c'est pas mal. Eh, mais tu transportes des cochons. Des cochons. Tu transportes quoi comme pièces automobiles? Bah, tout. Parce que je cherche un arbre à cam en tête. Il sait toujours pas ce que ça veut dire, hein, mais voilà, il en cherche un. Il sait pas quoi faire parce qu'il ne sait pas à quoi ça sert. Désespérément, voilà. Un arbre à cam en tête. Si quelqu'un en a un gratos, je prends. Évidemment, il prend tout de suite. Eh ben, écoute, Corentin, pourquoi pas. Je vais te repasser Seba pour voir si, du coup, s'il fait pas son tour d'abord avec Michto. Jackie. Non, Jackie, pardon. Ouais. Ou Maxwell. Et si jamais ça se fait pas, bah, écoute, du coup, avec toi, pourquoi pas, Corentin. Ça peut être un bon plan, ça. Bah, si je peux vous en débarrasser pendant 2 heures, écoute. Écoute, nous, ça nous rendra service. Hein, tu prends toute la nuit. Ouais, ça nous rendra une fière chandelle. et tu pourras le ramener dans des coins où il y a les échangistes là, qui viennent sur places des trucs pour se faire. Pour prendre. Il n'y a pas de problème, j'y passe en plus. Donc, voilà, royal, impeccable. Je lui mettrai sa perruque avant. Magnifique. En plus, il va en avoir une belle ce soir. Hein. Tu pourras imprimer la photo, la mettre sur la vitre du bahut. On dirait une vieille putain là. Le plus je le vois, plus il me fait peur. C'est clair. C'est une tenancière de bordel de 1960. C'est clair. Alors, les gars. Vous verrez la photo finale. Vous verrez la vidéo aussi. Puis vous voyez tous les snaps qu'on fait sur Énergie Radio et sur l'Instagram dans les stories. Là, vous venez sur MIKL officiel. Bon, Corentin, merci en tout cas pour la proposition. Je te renvoie chez Seba, d'accord? Ok, ça marche, allez, bonne soirée les gars. Salut Corentin, ciao à toi. Sergueï, dans quelques secondes, Rémi et Thomas aussi, si vous voulez participer à l'émission, comme tout le monde là, 01 40 71 5000. Il est 1h42, on est là, à la cool, sur Énergie. N'oubliez pas l'iPhone à gagner sur le Facebook de l'émission. Là aussi, vous voulez gagner ça, bah, venez me rejoindre, c'est un jeu gratuit, hein, vous risquez rien, vous inquiétez pas. Il suffit simplement de taper MIKL officiel. Et Seb de Quimper qui dit bonjour monsieur Mickaël, bonjour monsieur Seb de Quimper. Vos messages avec le hashtag MIKL et puis le son de Kungs au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël sur Énergie. sur Énergie. Allez, bonne nuit tout le monde. Il y a Ken Jones qui arrive. Aïssé. Il y aura aussi Gnash. Petite balade tranquille. Hein. On va également se faire le merci pour ton ex. Il est 1h45 du matin. On va aussi jouer au jeu du gros 01 40 71 5000. Et puis on est là tranquille, à la cool. On est sur Énergie jusqu'à 4h. Mickaël sur Énergie. En live de minuit à 4h toute la semaine, mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. Tout à fait, vous venez nous rejoindre. Là il faut la gagner sur le Facebook de l'émission. On tirera au sort jeudi soir pendant l'émission. Et puis si vous voulez tenter votre chance, venez me rejoindre. Vous tapez M-I-K-L officiel. On est toujours en plein relooking. Enfin on, c'est Anastasia, l'auditrice qui vient de Hatt en Belgique, qui est venue gentiment d'ailleurs. Je pense qu'elle se rendait pas bien compte de la masse de travail qu'il y avait à abattre. Du désastre. Ouais, ouais, du oh là là. Genre un hibou. Putain, la vraie putain de bordel. La grosse salope, tu sais. GG la putain. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui se passe, les beaux gosses? Christophe la salope. Christophe la salope. Ouais. Vous verrez la vidéo finale et même la photo finale. D'ailleurs, Amina est en train de kiffer sa race. Ah oui, un grand bonheur là. Ah là là, en plus, elle est à côté de lui, c'est génial. Bon, vous verrez ça. Et donc, comme je le dis, on met quelques photos assez régulièrement et vidéos aussi sur la stories d'Insta. Vous tapez M-I-K-L officiel si vous voulez voir ça en live. Et sur le snap d'énergie, hey, les mecs d'énergie demain, ils vont regarder les trucs et vont dire qu'est-ce que c'est que ce truc de bordel? Non, mais tu sais qu'ils vont m'appeler, c'est sûr. Hein. Ah, mais grave. C'est sur Énergie Radio si vous voulez voir ça en live. Je leur ai pourri leur snap. Tu m'étonnes. Bon, Sergueï est avec nous, on parlait des paris. Salut Sergueï. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ouais, un pari à te faire, que ce que je vais te dire, t'arriveras pas à prouver le contraire. Je sais pas où tu veux. Bon, bah vas-y toujours. T'es un hypnotiseur toi aussi? Ouais. Ou un magicien, un truc comme ça? Et c'est quoi, t'as un pari à faire avec moi? Déjà, je vais t'apprendre un truc. Tu vas te coucher moins bête ce soir si tu le savais pas déjà. Alors, à la base, l'humain est censé être végétarien, donc à la base on est censé pouvoir vivre. Non, c'est omnivore. Ouais, et bah non, oui. Non, du tout. Alors voilà, justement, le problème est là, on n'est pas omnivore, à la base on est censé être végétarien. Je vais te donner quatre astuces qui vont te prouver justement qu'on est censé être. Attends, sérieux, je comprends pas le rapport avec les paris, parce qu'on parlait des paris pour se marrer, toi tu nous fais des cours. C'est la rentrée pour tout le monde, ça fait chier tout le monde à les cours, toi tu nous fais des cours. Bon, alors, souvenez-vous, alors, cours d'histoire. Jadis, il... Non, mais c'était un pari pour toi à faire, pour toi, contre toi. Ah. Toi, voilà. Alors, vas-y, bon, raconte, alors. J'ai peut-être pas... Donc, voilà, donc déjà, il y a l'instinct humain. Il n'est pas du tout comme un omnivore ou un carnivore. Après, il y a les dents, donc on n'a pas de dents de carnivore. Déjà, on a les... Non. Ah si. Alors, les dents... Ah, non, les pointus, c'est des dents de carnivore. C'est pour déchiqueter. Ah, non, du tout. Non, c'est alors, les molaires. Alors, tous les... Alors, tous c'est les... Pour... Ah non, les, ça, c'est pour écraser. Tous les herbivores... Non, tous les herbivores les ont, justement, pour les fruits et légumes et les pommes, par exemple. D'accord. Voilà. Ouais. Et après, on a l'intestin. En fait, c'est une des causes les plus grandes... pourquoi les gens, en fait, ils crèvent. C'est justement parce qu'ils bouffent de la viande. Les gens, ils crèvent à cause de l'intestin? Ben si, justement, regarde. Alors nous, les humains, on a... Mais non, mais parce que je sais, t'as lu un truc, je sais ce que c'est, je vois de ce que tu veux parler, c'est parce qu'en fait, la longueur de l'intestin, c'est comme les... Ils veulent frapper et t'es un tocard, non? Comme les... Non. C'est comme les herbivores, tu sais, parce que c'est long, et les carnivores, en fait, ils ont des intestins plus courts pour le digérer plus facilement. Voilà. Sauf que tu retournes comme tu veux, mais si, on est carnivores, mec, on est omnivores. Mais non, si, on est tes pas... ancêtres, non. Tes ancêtres, tes ancêtres, les Gaulois et des ancêtres avant étaient omnivores, ils mangeaient de la viande, c'est qu'il y avait une raison. C'est une question d'habitude, c'est une question d'habitude. Si justement, on n'est pas fait. Non, sinon, ils mangeraient des graines. Mais non, c'est parce qu'on a décidé de chasser et de manger de la viande. C'est bien ça. Qui a décidé ça? Bah, nous, justement, c'est une question d'habitude. Hey, si, juste, Sergueï, juste un petit truc, parce que je pense qu'on fera mieux ça tout à l'heure. Est-ce que t'es dispo dans une petite heure où tu vas déjà dormir? Non, c'est bon. Mais non, il est omnivore, parfait. Il est carnivore. Mais non, mais parce que ça peut être un très très bon débat pour le polo show, ça. Bouge pas, Sergueï. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que là, au moins, tu sais, Polo pourra donner son avis, son véritable sans avis, sans filtre, exactement. Il va pouvoir lui dire, il va pouvoir vouloir le frapper et le traiter de mongol. Non, c'est pas. Je traite pas tout le monde de mongol. Ah bon? Le moment. Mais attends, mais. Tof, j'ai pas toujours raison? Évidemment. Même quand il a tort. Apollo n'a jamais tort. Attends, voilà. C'est, les mecs, attends, c'est des Mongols. Je vais pas te dire c'est des gens bien. Tu vois, voilà. Non, mais Amina. Amina, on est d'accord. Oui, bien sûr. Je te prends à partie. Amina. Oui, ça dépend. Bah, ça dépend. Mais, tout le monde n'est pas bête. Non, mais quand je te parle dans une situation où je me retrouve dans une situation où les mecs veulent m'agresser pour deux places, pour les MMT. Tu as toujours raison, c'est vrai. Non, mais tu repars d'un dossier, il y a 10 piges. Mais non, c'est l'autre qui est revenu tout à l'heure et c'est pour ça que l'autre m'a dit, l'autre conne de Jeanne-Françoise. Ah, et merde, c'est Jeanne-Françoise qui est une mongole. Oh là je fais ça, je rigole, je l'embrasse, je l'aime beaucoup. C'est Jeanne-Françoise qui dit aussi l'humain est censé ne pas être gros con et pourtant on est encerclé par les gogoles. C'est vrai. Et bah voilà, tiens, putain, tu ferais bon ménage avec Polo, tiens. Et Karana Anonyme qui dit moi je veux bien balader le chien de la case, je suis en bâché et en plus je traverse son département préféré, la Creuse. Et bah voilà. Magnifique, toi, on t'a trouvé un petit itinéraire sympathique. Et on passera le pont de Millau ou pas? Et bah écoute, si tu lui demandes gentiment, je pense que c'est possible. Ah cool. Moi, alors je veux bien. Moi je prends Toff, je suis un frigo et je fais du Rungis, la grosse olive. Ah bah voilà, Rungis, c'est bien ça, Toff. Tu vas pouvoir se muscler un petit peu là. Et avoir un travail. Il va un petit travail là. Amina, je suis routier, je veux bien t'emmener. Oui. Imagine que mon camion est une gondole. Je serais ravi de t'avoir à mes côtés. Je suis de Tours. Johan, bise à l'équipe. N'importe quoi. Bah quoi? Non, mais parce qu'en fait, la gondole. Il faut savoir que Amina n'a pas d'imagination. Alors, non, parce que j'avais une histoire d'amour incroyable sur une gondole un jour à Venise. Ouais. Et du coup, il y a plein de gens qui me reparlent de ça. Ah, d'accord, ok. Et quoi, voilà. La prochaine, c'est sur un churros? Non, je demande. Churros, caravane, on peut innover, il y a plein de choses à faire. Et ben voilà, tout est possible, très bien. Bon, dans un instant, on va se faire le jeu du gros avec Thomas qui est avec nous. Salut Thomas. Salut, ça va ou quoi? Bah, ça va bien et toi? Ben ouais, nickel, bonjour à toute l'équipe. Eh hein. Bah, toute l'équipe Amina. Te salue. Bah, Toff, il est en train de se faire maquiller là, donc il est en mode. Faut pas le déranger, il est dans sa loge. J'ai entendu depuis tout à l'heure. Oh là là, une vraie catastrophe. T'as mis des photos encore, Amina? Ah oui, ça continue là. Ah, très bien, sur Instagram, hein, vous tapez M-I-K-L officiel, venez nous rejoindre. Thomas, jeu du gros dans un instant, tu veux jouer contre qui? Donc, Toff qui est à sa 4e défaite d'affilée. Amina est à sa 2e défaite d'affilée. Ouais. Polo est à un score nul, hein, 0 quoi. Voilà, 0 défaite, 0 victoire. Et Seba au standard qui n'a pas encore joué non plus, et moi qui suis à ma 5e victoire d'affilée. Tu veux jouer contre qui, Thomas, dans un instant? Moi, je me frotte toujours au gros poisson, moi. Je me frotte toujours au meilleur. Très bien, donc tu choisis qui, alors? Eh ben, je choisis toi. Hein. Eh ben, très bien, Thomas, parfait. Bon, jeu du gros. Oh, j'ai hâte de faire cette 6e victoire d'affilée. Merci, Thomas, de m'avoir demandé de jouer, parce que ça fait longtemps que personne ne me choisit, parce qu'ils ont tous peur de perdre. Et toi, ouais. Bravo, Thomas, parce que grâce à toi, j'arriverai à ma 6e victoire d'affilée. Et je te remercie. Ah, ben, écoute. Non, parce que mon compteur restait bloqué à 5, c'est dommage. Oui, mais je comprends. Bah, voilà. Un beau duel. Eh bah parfait Thomas, bon, c'est pas un duel, hein. C'est à partir du moment où quelqu'un est sans armes et que l'autre arrive, t'es là un rouleau compresseur, ce n'est plus un duel. Okay. Humblement. En toute humilité, bien évidemment. Oui. Voilà. Bon Thomas, reste avec nous, on va s'écouter Ken Jones, je te reprends juste après, d'accord? Ok, ça marche un peu. Allez, bah bouge pas de là Thomas. Oh là là, ça c'est Ken Jones qui vient de voir la gueule, Thomas. Voilà, il a fait oh là là, putain, quelle catastrophe. On est au cœur de la nuit sans pub, il est 1h53. Ken Jones, c'est maintenant sur NRJ. Telling me this, and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. African American, for sure. Told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, he gon' say, hey. Telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa. But she f*** me like she Haitian. Black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël sur Énergie. Mickaël, le roi de la route. Confortablement installé dans sa Mustang Shelby noire. Toff est là dans son autolib recouverte de caca de pigeon. Polo débarque dans son métro qui sent la pisse. Et Amina survole la ville sur son tapis volant. Il débarque toutes les nuits dans ta radio. Peu importe le moyen, l'important c'est d'aller au bon endroit. Mickaël sur Énergie, de minuit à 4h. Exact, il y a Mike Toff qui a envoyé un message sur le Facebook de l'émission, hein, M-I-K-L officiel. Je veux bien l'emmener avec moi en Laponie, à Kiruna, au cercle polaire, s'il veut le chien de la casse. Grave. Je laisserai là-bas se geler les couilles par moins 40 degrés. Grave, moi, quand il veut. Bah moi j'aimerais bien aller au cercle polaire, mais au solstice d'été et encore une fois au solstice d'hiver. Je comptais le faire, mais malheureusement quelques problèmes techniques sont venus boucher mon passage. Je vous expliquerai. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça. T'imagines, tu pars là-bas, il fait jour tout le temps ou il fait nuit tout le temps, génial. Nuit, c'est galère quand même. Non mais juste quelques jours, hein, pas trop longtemps non il plus. Il fait tu pas super pas. Noir, hein, il fait pas noir. Si, au cercle polaire, tout à fait en haut, il fait noir. Ah si, je t'assure. Pas 24h/24. 24h/24. Moi, à chaque fois je l'ai vu, il faisait noir, mais il y avait encore un peu de visibilité. Oui, mais ça dépend de visibilité. Où ouais. Tout en haut, il fait noir. Écoute, je sais pas. Et à l'inverse, quand au solstice d'été, bah, il fait jour toute la journée. Enfin, toute la journée, toute la nuit, H24 pendant un mois. Ouais, mais c'est un coup à devenir fou quand même. Mais justement, ça qui est génial. C'est bizarre, ouais. Il y avait un film comme ça, je me souviens plus du titre. C'était un flic qui était avec Al Pacino, ouais. Qui était parti c'était au Canada. Pas au Canada. Merde, putain. Alaska. En Alaska, exactement. Donc, un état américain qui se trouve au-dessus, qui est pas collé aux États-Unis, mais bref, ah ouais. Qui est en haut. Et du coup, il devait mener une enquête là-bas. Le mec devenait complètement fou parce qu'il faisait jour tout le temps. Et il savait pas. C'est pas qu'endormir, c'est pas. Mais oui, il est minuit, il y a plein soleil, il est 2h du mat, il y a plein soleil, 14h, il y a plein soleil, enfin tu deviens ouf. Ouais, c'est galère. Tu deviens complètement dingue. Oui, j'aimerais bien y aller quelques jours, juste voir Toff devenir complètement fou. Et le laisser là-bas. C'est gentil. Non, mais oui, c'est vrai en plus. Bon, 1h58 avant d'écouter Gnash. Insomnia, exactement, ouais. Bon, on va écouter Thomas se faire défoncer la tronche, hein. Non mais ouais, c'est vrai, puisque je rappelle que Thomas a décidé de m'affronter au jeu du gros, sachant que je suis à 5 victoires d'affilée. On peut déjà dire 6, hein. C'est vrai, mais je suis humble. Non mais c'est vrai, je suis humble, laissons la chance également à Thomas. Même si c'est vrai que tes chances sont relativement limitées. Mais tu aurais pu être un lâche et choisir Toff afin d'être quasiment certain de gagner. Ah ouais. Tu ne l'as pas fait et rien que pour ça, je te respecte. Bon, Thomas. Ah ouais. T'appelles d'où toi en fait ? Uzès, dans le Gard. D'accord, ok, très bien. Bon, écoute Thomas, on va jouer au jeu du gros. Tu commences ou je commence ? Je vais commencer comme ça, je vais te donner un peu de piment. Allez. Il veut faire 4 secondes et on va se marrer. Bon, le principe est simple, on va appeler des gens au hasard. Le but c'est d'arriver à tenir d'arriver à placer un maximum de fois gros avant que la personne ne raccroche. Attention également évidemment à ce que la conversation soit logique, bien entendu. Pas dire gros non-stop, sinon évidemment ce sera perdu. Tu ne peux pas mettre plus de 2 ou 3 gros maximum par par gros. Ouais, genre j'ai un gros souci, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Donc faut pas t'emballer non plus, faut pas exagérer quoi. 2 okay. 3 maximum. Je laisserai seul juge Polo afin de valider si c'est plutôt 2 ou 3 en fonction des cas. Si t'exagères, bah on taillera sur 2. Si tu n'exagères pas, on pourrait laisser 3. Ouais. D'accord ? Ça marche. Bon, allez, c'est parti, on y va. Écoute, je te souhaite bonne chance. On appelle au Canada hein, pour avoir plus de chances que ça décroche. On s'en est bien rendu compte. Ça me régale. Allez, c'est parti. Ça te régale. Allez, on y croit. Allô ? Oui, allô, gros ? Gros ? Allô ? Ouais. Allô ? Oui, je t'appelle parce que j'ai un gros souci. J'ai un gros souci et j'ai eu un chagrin d'amour, un très gros chagrin d'amour. Et avant, j'étais maigre. Et oui, j'ai eu un chagrin d'amour et je suis devenu gros. Ouais. J'étais tout maigre et je suis devenu gros. Et alors, en fait, mon problème, c'est que je fais que manger des gros gâteaux, des gros pains. Et j'étais même quelqu'un de bien, de gentil. Et je suis devenu même un gros con. Alors, pour tout te dire, gros, c'est bien de me donner un conseil, tu vois, un gros conseil que je puisse m'en sortir parce que. Parce que ce chagrin d'amour, c'est quoi, vraiment de gros soucis, quoi. Allô, gros ? T'as des soucis, toi ? Ah, gros. Eh oui, gros, j'ai un gros chagrin d'amour. Comme j'ai expliqué à la demoiselle. Tu t'accresses dans le cul, tu n'auras peut-être plus chagrin d'amour. C'est mais quoi tu veux, mon gros ? Mais gros, c'est pas grave, gros. C'est un gros souci. T'es où, toi ? Mais je suis pas loin de toi, moi, Montréal. Stop. Une minute. C'était une minute maximum. Pas mal. Ah, bravo, Thomas. Donc, c'est ouais. En une minute, il faut en mettre un maximum. Ouais. Ou alors, on se fait raccrocher au dé avant la minute, bien sûr. S'il nous en fait combien, Polo, alors? Eh bien, après avoir recompté le tout avec mes nains, parce que j'ai une batterie d'ouvriers qui bien sûr, tout à fait. Sur des bouliers. Dans son monde imaginaire. Hein. 24. C'est pas mal. Ah, bravo. C'est très bien, même. Mais respect, Thomas. Hein. Mais merci, respect. Merci, mon pote. Bon. Ah, allez. J'avais pensé un peu à la conversation que j'allais avoir. Allez, bonne chance à toi. Non, mais je te remercie. Et je tiens d'ailleurs également à féliciter Seba au standard, dit l'espagnol, dit le cassos, dit le serveur. C'est le cassos maintenant. Dit à l'aise, dit le parasite. Premier appel, décrochage immédiat. Merci. Ouais, c'est vrai. On verra si ça va. Merci à l'espagnol. Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, on y va. On appelle le deuxième. Je te sens pas serein là. Pourquoi ? Après les 24 là, t'as pas l'air. Ah oui, bah attention, la compétition est hard. Hein. C'est pas comme avec Toff où c'est toujours des scores de merde. Tu sais, où ça varie 2-3, 3-2, 2-3, 3-2, et voilà. Là, il y a du 24. Là, il y a du. Là, c'est bon là. C'est parfait. Il y a le challenge, c'est bien. Allez, on y va. Thomas, je te mets de côté. On appelle au Canada. C'est parti. Oui, allô ? Ouais. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, mais ça fait plusieurs fois que je reçois plein de messages avec des mails notamment, ou des appels sur mon répondeur, avec une voix d'enfant qui n'arrête pas de me traiter de gros, en disant « tu vas voir gros, ta vie est terminée gros », donc je voudrais que vous puissiez éventuellement prévenir votre enfant d'arrêter de m'importuner parce que vous allez pouvoir avoir de gros soucis, hein. J'ai pas d'enfant ici. Ah, écoutez, vous n'avez personne chez vous. Vous n'avez pas un enfant, gros ou mince, peu importe. Ben non. Non, écoutez. Je comprends pas moi-même. Parce que moi, j'ai là, rappelé. Je veux pas de chicane, moi, ouais. là. Ben moi, j'ai rappelé le numéro qui m'a appelé justement. Et ça disait tout le temps ouais, gros, tu vas voir, gros, tu vas voir des problèmes, gros. On va te traquer, non, gros, jusqu'à la fin de ta numéro, vie, gros. Non, mais attendez, imaginez quand même que c'est quand même assez dérangeant, c'est quand même un gros problème, quoi. Je vous comprends, mais voilà. Pas ici. Bah, peut-être que vous avez un gros parasite, je sais pas, ou vous êtes peut-être un gros bébé, là, qui traîne et qui fait des gros canulars et qu'il y a un moment, c'est très perturbant, gros, hein, tu vois. Ben là, c'est parce que c'est vous qui me perturbe. Oh. Terminé, la minute étant passée, je n'ai pas triché, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas exagéré. Non, bravo. J'aurais pu laisser pisser le truc. Bon, alors attention, est-ce que j'ai mis assez de gros ? J'en doute, si jamais c'est le cas, c'est just. Thomas, quoi qu'il en soit, gagnant ou perdu, tu as bien joué. Ah, merci. Non, mais c'est vrai. La même chose. Parce que même moi, je ne sais pas si j'ai dépassé c'est les bon, vous avez arrêté de vous lécher là, les deux. Bon, alors, oui, merde. Il est con, tu vois. 22. Ah, mais tu sais où t'as déconné, c'est au début, t'as laissé trop de temps, t'aurais pu en placer au moins 5, c'est vrai. J'ai détrôné le roi. Eh bah bravo. Ah putain. Je sais, mais en plus, on m'a toujours dit que ma bonté me perdra. Puisque je t'ai laissé gagner, Thomas, faut le savoir. Ça faisait tellement. Non, attends. Non, c'est vrai. Non, mais arrivé à 22, oui, c'est fait, c'est calculé. Tu vois bien qu'au début, il est parti, c'est comme sur une piste de course, tu vois. Voilà. Il a laissé le mec partir. Exactement. Il aurait pu en placer au moins 10 pour pouvoir galérer à la fin. C'est genre, j'en place au maximum. J'en ai retiré 4 en plus. Voilà, exactement. Je me suis mis handicap. C'est normal. Je me suis mis handicap, j'avais la gueule de Toff devant moi, ce qui est un putain d'handicap, faut quand même te le dire. Et puis je me suis tiré une balle dans le pied également en démarrant avec un second de retard. En tout cas, bravo Thomas. Ouais, merci, j'ai fait fort. Bon, et je voulais vous dire, j'adore vous écouter. Le soir, des fois, on a un peu le cafard et tout, les canulars, tout ça, ça fait du bien. Chérie, je peux te faire cocu, tout ça, là, c'est la patate. Oh, bon, c'est rigole, gentil. Un gros bâtard. Je te promets que je vais t'attraper des boulets vivants, moi, cette demeure. Voilà. Des fois, vous tombez sur des bras, vous les énervez bien comme il faut, quoi. C'est cool. Ah, bah écoute, on adore, nous, c'est nos préférés. Hein. Ouais, ouais. Ta gueule, teuf de mon cul, oui. Ah, c'est de la bombe. Oh, bah c'est gentil, et en tout cas, Thomas. Allez, vas-y. Petite dédicace à Uzès, il y a mon frère Simon qui se trouve à Lyon. Voilà. Très bien. Eh bah écoute, nous aussi, on va faire une petite dédicace à la famille Teuf. Je vais te péter, toi, ta famille. Ta mère, ton père, ta soeur, ta grand-mère, ta petite soeur, non pas ta petite soeur, ta grande soeur, fils de pute. Voilà. Bon, allez, salut Thomas, en tout cas, merci beaucoup. Allez, salut, bonne fin de soirée. Ciao à toi, et merci d'avoir appelé. Et puis tu retournes chez Seba au standard aussi pour le cadeau, hein, bouge pas de là. Jeanne-Françoise qui dit Mickaël, tu ferais bon ménage avec Polo, mais je n'attends que ça. Ah bah écoute, Jeanne-Françoise, on sait jamais, hein, peut-être que tu pourrais éventuellement. Ça dépend si elle est bonne, moi je l'apprends. Tiens, Tarek dans un instant, Rémi pour parler des paris. Est-ce que vous avez déjà fait des paris un peu particuliers, gagnant ou perdant évidemment, hein, que vous regrettez par exemple. 01 40 71 5000, continuez à vous inscrire et à venir nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission, c'est MIKL officiel. On vous fait la petite stories du relooking de Toff en direct là, si vous voulez voir les photos, les vidéos, hein, MIKL officiel. On va se faire le merci pour ton ex juste après le son de Gnash qu'on écoute tout de suite sur NRJ. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too, and I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this reel out but you wouldn't bite that shit. I type a text but then I never mind that shit. I got these feelings but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing, but I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong, so every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. Slowly killing me. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be. Mais quelle horreur! Oh, c'est je suis gueule magnifique, de je merde. Suis la plus belle. Mickaël sur Énergie. Ce sont des sensations, des goûts, des couleurs. Mickaël. Intense et suave. De la passion et de la force. Œuf et son saveur. Des miettes de cerveau, des trous du périnée. Polo, de la dureté, de la noirceur. C'est dégueu et un peu salé. Amina, c'est quelques grains de semoule et de la douceur dans ce monde de brut. Mickaël sur Énergie, de minuit à 4h. Tous les goûts sont dans la nature. Oh la vache, putain, on a vu le résultat final. Je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, sur M-I-K-L officiel. Je suis magnifique. Mais comment vous dire qu'on vient de voir la gueule de Toff relookée par... par Anastasia, l'auditrice qui vient de Hatt en Belgique, là, qui nous a looké Toff, mais en mode, mode travelo en fait. Non, il y a une perruque et tout là, c'est je comment t'expliquer. Hyper belle gosse. Tu la baises ou pas, Polo là? Je vois pas, me dis pas ça, je vais vomir, mec. Tu veux que je vienne sur tes genoux, Polo? Dégage, gros. Fort. Même au choupitou. Ta gueule, toi, t'as de merde, va. Oh mais quelle on va te jeter dans la scène, t'as de merde. On va vous mettre la photo avant après sur le Facebook, ouais. Sur Twitter et sur Insta. Et puis vous pouvez voir dans la story donc de Mickaël officiel donc la l'évolution ou la décadence, je sais pas très bien comment on peut appeler ça, de la gueule de Toff. Hein, voilà, Mickaël officiel, très dur, je suis très trop dur. Trop belle. Mais quelle horreur. Bon, 2h12, on va se faire le câlin. Merci pour ton ex, certainement pas. Le merci pour ton ex, c'est le nouveau jeu qu'on a fait depuis la semaine dernière. Si vous voulez, on jouera demain, on fera un nouveau demain. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe, qui n'ont pas écouté la semaine dernière, bah écoutez à quoi ça ressemble. C'était avec Noémie. Il y a aussi des cadeaux à gagner, notamment des Xbox One. Si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le standard 01 40 71 5000. Et écoutez, c'était la semaine dernière, c'était avec Noémie. T'es toujours là, Noémie? Oui, je suis là. Parfait. Alors, Noémie, merci pour ton ex. On se fait le jeu maintenant. Pour ceux qui viennent de débarquer et qui ne connaissent pas déjà la règle, c'est Amina qui va nous la répéter, la règle. Non, alors allume ton micro, Amina. C'est mieux. Ah, voilà. Bah voilà, c'est mieux. Alors la règle, alors c'est ton mec ou ton ex. Alors, oui, on va appeler l'ex de Noémie. Ouais. Et donc, tu vas te faire passer pour. Putain, il n'y a plus de respect du tout, quoi. Mais le respect est mort, c'est fini, monsieur, Amina. Le monsieur parlait à Toff, ça va. Le respect est mort. Oh là là. J'en ai marre. Oh là là, putain. Bah bon. Oui, comme tu dis. Bon, oh, vas-y, allez, vas-y. Donc, allez. On va appeler son ex, Dylan, qui a un gros nez, des oreilles décollées, etc., qu'elle nous a décrit juste avant. Ouais. Tu vas te faire passer pour son nouveau mec, et donc tu vas le remercier de ne plus être avec, parce que t'es très content de te taper son ex. Voilà, et comme c'est une idée d'Amina, et comme c'est une première, elle a décidé de me faire jouer moi, histoire que si ça foire, ce soit de ma faute. Exactement. C'est très bien. C'est bien vu. Donc, Noémie, pour ceux qui viennent d'arriver, donc effectivement, Dylan, c'est ton ex, ça fait 3 mois que vous êtes plus ensemble, parce qu'il était trop jaloux. Vous êtes restés ensemble combien de temps? J'ai pas posé la question. Pendant 6 mois. Ah ouais, d'accord, ok. Donc il est blond, il a les yeux marrons, il est tout maigre, 1m64, ce qui est pas très grand pour un garçon, faut le dire. Il a un gros nez, les oreilles décollées, il est célibataire encore aujourd'hui, il est fonctionnaire dans les espaces verts. Où ça? Quelle mairie? Fontenay-le-Fleury. Fontenay-le-Fleury, c'est ça? Oui. Ah oui, c'est... Très bien, ok, ouais, d'accord. Ce petit... Oh. Parfait. Et toi, tu fais 1m63, 43 kg, 95 D1, 36 de pantalon. Tu t'es blond, t'es brune? Je suis brune. Brune, les yeux. Bleu. Oh, j'adore. Oh là là là. Je vais venir mettre mon poutou sur le cul. Oh. Moi, j'accumule mon poutou sur le cul de ta mère, fille de pute. Oh, il va arrêter de traiter Toff comme ça, là. Ça se ouais, fait ça pas quand même. Pas. Putain. T'as des tatouages ou quelque chose en particulier? Des piercings éventuels? Alors, un piercing à la langue et deux tatouages. Eh, Noémie, par pitié, envoie-moi ton numéro à POLO. T'imagines le niveau de galère. Par pitié. À POLO@energie.com. Et les tatouages, ça ressemble à quoi? C'est quoi? Il y en a un, c'est une date, et l'autre, c'est les initiales de mes parents. Attends, une date, hein, le fruit, là? Oui, le fruit, ouais. Non. Date, comme ça? C'est quoi les initiales? C'est VDG. VDG. D'accord, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay, heureusement bien. Qu'il s'appelle Pierre David. Hein. Ouais. <C'est>... Tu t'aurais l'air malu, tu aurais l'air ah malade. Ben, hein. Top, il aurait pu. Hein. Il aurait pris. Non, non, c'est homophobe. Il tous les noms. Ok. Et la date, c'est quoi? N'oublie pas, Noémie. Ouais. C'est quoi la date? C'est la date du décès de mon oncle. D'accord, ok. Et c'est quelle date? Au cas où il me demande. Le 5 février 2014. 5, 2, 14. Ok, très bien. Bon, alors, on va l'appeler maintenant. Et puis, bonne chance. Hein. Non, c'est moi qui joue, en plus, je suis con. Bonne chance, ah oui, mais en fait, bonne c'est un jeu, Amina. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui joue, en l'occurrence Noémie, en fait, il fout rien. C'est moi qui fais tout pour qu'elle gagne le cadeau. Ouais, c'est un peu ça. Ah oui, parce que là, Noémie n'a rien à faire. Hein. Bah oui, mais moi, je suis sympa, moi, j'aide les gens. Ah bah, je vois ça. Ouais. Bon, bah, Noémie, du coup, on te laisse sur le côté. On est chez moi, et puis au pire, je t'appellerai. Elle a rien à faire là. Envoie un mail à POLO. Allez, on appelle Dylan. Enfin, j'appelle Dylan. Donc, tu restes là, Noémie. Ne parle pas. Je te prends dans un instant, d'accord? Parfait, très bien. Allez, hop, on y va. C'est parti. On appelle. Oh, allô? Allô? Ouais. Ouais, c'est Dylan? Ouais, c'est qui? Ouais, salut, c'est Michel. Dis, ouais, c'est qui? Bah justement, je vais me présenter là. Je voulais te remercier pour ton ex, parce qu'en fait, je m'appelle Michel, je te dis. Ouais. Et donc voilà, je voulais te remercier pour ton ex parce que on a un peu discuté et tout, et on m'a un peu parlé de toi, et sachant que je passe juste après, je voulais quand même qu'on passe, qu'on se passe la main officiellement, c'est un peu comme les Jeux Olympiques quoi, et qu'on passe un peu le flambeau. Ma gueule. Non, pas du tout, non, mais parce que tu vois, après elle m'a expliqué un petit peu. Arrête de parler avec moi, passe-moi Noémie. Bah pourquoi? Tu veux que je la passe? Passe-moi Noémie, je te dis. Bah attends, c'est bon, c'est juste qu'elle m'a expliqué un petit peu. Et voilà, vu la gueule que t'as, je voulais quand même te dire que t'as eu quand même beaucoup de chance de taper une bombe comme ça, quoi. Tu vois, parce qu'elle m'a montré une photo, et donc vu la dégaine que t'as, j'espère que tu te rends compte de la chance que t'as quand même là, que t'as eu. Ouais, t'inquiète pas. Ah, tu t'en rends compte? Parce que bon, un petit blond tout maigre, 1m64, ça vole pas très haut, quoi. T'arrivais au niveau des seins ou pas? Ferme ta gueule, tu ressembles à quoi toi? T'arrivais au niveau des nibards ou pas? Ouais, t'inquiète pas. Ouais? Ah bon, d'accord, ok. Passe-moi Noémie. Bah attends, mais je vais te la passer après, il faut qu'on fasse connaissance d'abord quand même, non? Un petit peu quoi, tu vois? Je fais pas connexion avec toi, ferme ta gueule. Ça va, allez, vas-y, Dylan, pas de ça entre nous, mec, on va baiser la même meuf, ça va? Y'a rien du tout, ferme ta gueule. Enfin, toi t'es passé avant, mais je veux dire, j'espère faire mieux que 3 mois. Bon, tu me diras, c'est pas très compliqué. Eh, passe-moi Noémie, je te dis. Bah, tu veux lui dire quoi, Noémie? Je te rappelle que c'est ma meuf maintenant, pourquoi tu veux lui parler? Passe-la-moi, y'a pas de temps. Vas-y, pourquoi tu veux lui parler? Dis-moi. Maintenant, tu passes par moi là-bas. Dis-moi, t'habilles. Eh, t'es où? Ouais, je suis un peu son manager maintenant, tu vois. C'est un peu, on peut voir ça comme ça, tu vois. C'est-à-dire, quand tu lui poses des questions, tu passes par moi là-bas. Si je te retrouve, je vais t'enculer ta race, tu vas voir. Mais tu vas rien faire du tout, arrête un peu, mec. Avec 1m64, tu vas même pas me trouver. Fais le malin, je vais t'enculer, tu vas voir. Eh, mais t'es livré avec des échasses ou pas? Fils de pute, toi. Hein, tu viens en général avec des échasses, comment ça marche? Ferme ta gueule. Ou avec un gyrophare pour qu'on te reconnaisse, parce qu'en général, moi, tu sais, j'arrive, je vois pas en dessous d'un mètre 70. Eh, fais le malin, tu vas voir comment je vais t'enfiler ta race, tu vas voir. Bah arrête. Eh, t'as trouvé une meuf sinon? Parce que j'ai 2-3 cassos, 2-3 cajous aussi, si tu veux, dans mes amis, je peux t'en présenter une. Eh, passe mon ami, je vais t'enculer. Mais arrête. Mais je vais te la repasser, t'inquiète, hein, c'est juste que là, t'es parti au chiottes. Vas-y, passe-la moi là, t'es. Du coup, j'en ai profité, j'ai regardé dans son répertoire, je voulais t'appeler pour faire connaissance, quoi. Ouais, tu vas voir, passe-la moi, je t'ai dit. T'as une nouvelle meuf ou pas alors, du coup, alors? Eh, ça te regarde pas. Bah vas-y, je te demande, tranquille, quoi. Eh, ça te regarde pas, toi et moi, on se connaît pas, parle pas avec moi. Non, mais je veux. Voilà, c'est sûr, on fait connaissance. T'enculer ta race, tu vas voir. On fait connaissance. Tu vas voir, c'est qui, tu vas voir. Bah viens. Non, bah je vais pas venir là, je suis avec. Viens, c'est vraiment à faire connaissance. Non, mais je suis avec Noémie là. Là, on est à la cool. Ah non. Tu perds tes couilles. Ah, c'est facile de parler par téléphone. Ah non, bah je peux te dire que je les ai pas perdu mes couilles. Enfin, peut-être, mais en tout cas. Ce sera pas long cul, si je puis me permettre. Cette petite parenthèse. Tu vas voir. Ah non, je te le dis. D'ailleurs, justement, parlant de cul, ça tombe bien. Comme vous êtes restés trois mois ensemble, il y a des trucs que tu me conseilles sexuellement là ou pas à faire avec elle? Je te conseille rien du tout. Parce qu'elle m'a dit que c'était pas terrible au lit avec toi, donc je voulais savoir s'il y a des trucs qui étaient quand même un peu plus sympas que d'autres. Ta gueule, t'as une petite bite, frère. Ouais, peut-être, mais elle marche bien, hein. Pas comme la tienne. Apparemment, t'as un petit peu du. Enfin, il faut une machine pour la faire monter, quoi. Ferme ta gueule. Eh, pas son ami. Et en plus, il paraît que ça arrive un peu vite, quoi. Un peu, hein. Après, franchement, hey, tu sais quoi? Je vais te niquer ta mère. Non, mais attends, arrête, arrête. Franchement, il n'y a même pas de honte. C'est pas grave. Ça arrive. C'est qui? Parle pas avec moi, parle pas avec moi. Ben si, je suis en train de parler avec toi, ça fait 10 minutes là, 5 minutes, je sais pas combien de temps. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je comprends pas. Pourquoi je m'énerve? Tu crois que t'es qui? Moi, je suis Michel. Tu peux m'appeler Mich-Mich, hein, vas-y, on s'en branle. Bah quoi, je m'appelle Michel, t'appelles Dylan, mec, on se croirait dans une série américaine des années 90, arrête-toi de la ramener. Eh, ton vieux blague, tes parents, ils t'ont même pas respecté, frère. Et ton frère, il s'appelle Brandon? Eh, ça te regarde pas. Mais je te demande. Ferme ta gueule. Et ta soeur, elle s'appelle Brenda? Kelly? Ferme ta gueule. Et ta mère, elle s'appelle comment? Bah, elle s'appelle Micheline. Tu vas baiser ta mère, tu vas voir. Non, bah, franchement, avec la petite bite que t'as, enfin, d'après ce qu'elle m'a expliqué, Noémie, je vois pas comment. Ferme ta gueule. Il paraît qu'apparemment, t'arrivais même pas. Enfin bon. Je veux pas te faire un dessin, on n'est pas là pour faire ton procès. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ça va, et reste calme, ça va, tranquille. Je reste pas comme un code, tu crois que t'es qui? Bah, moi je m'appelle Michel, je t'ai déjà dit, il me semble, hein, mais. Passe-la-moi. Bon, je te la passe. Tiens, Noémie, je te repasse ton ex, là, il voulait te dire au revoir, enfin te dire adieu une dernière fois. C'est comme il a laissé. Dis-lui qu'il ferme ta gueule, lui. Je vais donc tuer sa race. Voilà, ouais. Bon, je lui dis ce que tu m'avais dit au niveau du. Tu pédé, là. Voilà, ouais, bah ça va. Ferme ta gueule. Ouais, il est gentil. Bah, tu vois qu'il est bête. Mais t'inquiète, toi, pédé, là. Le mec, bon, c'est quand même un parasite, quoi. Ça s'entend de toute façon qu'il a une voix. Je vais l'enculer, sa merde, il va avoir. Il a la même voix qu'un pote à moi, il s'appelle Sébastien. C'est une voix de parasite. Non, ouais, mon vieux. Si. Ferme ta gueule, tu dois te péder. Je te le repasse, tiens. Allô? Ouais, allô? Tu te fous ma gueule? Ouais. Mais il t'arrive quoi, là? Là, ils nous entendent plus. Tu te fous ma gueule? Vas-y. Mais au pire, j'ai le droit d'avoir un mec, c'est du petit, hein. Toi, c'est du passé, ça y est. Ferme ta gueule, comment ça mais t'es du passé, t'es du passé. Tu parles mieux, sinon je m'énerve, hein, t'as compris? Ferme ta gueule, tu vas faire quoi? Ouais, je vais te mettre une droite, tu vas voir. Tu vas rien faire, viens. Je vais tirer les oreilles, comme elles sont grandes, j'aurai pas de mal à les trouver. Viens, ta petite pute, frère. Oreille décollée, va. Ferme ta gueule, toi. Allô? Allô? Babar? Ouais. Ouais, non, mais calme-toi, ça y est, t'es du passé, ça y est, non, mais il y a quand même un connu. Comment ça, ferme ta gueule, mais tu prends pour qui, en fait? Ferme ta gueule, tu vas faire quoi? Mais d'un côté, t'es un petit, toi, d'un côté, t'es mon grand, toi. Vas-y, ferme ta gueule, je vais l'enculer, ça. Vas-y, tranquille, hein. Mais nique ta mère, t'as compris? Reste au calme de quoi? Reste au calme, je crois. Oublie, Franchement, je suis tranquille, ferme ta gueule, j'ai pas envie de parler avec toi, moi. Bah, avoue que t'as des regrets, t'aurais bien voulu encore garder Noémie, hein, je parie. Bah ouais. Ah, t'aurais voulu? Alors pourquoi tu parles avec moi? Bah, bien sûr. Ah bah, tu sais quoi? Allez, je te la fais ce soir à 50 balles. Ferme ta gueule, c'est ta mère, je vais faire à 50 balles, tu vas voir. Ah, c'est un peu plus cher, hein. Après, c'est différent, quoi, mais bon. Bon, donc 50 balles, c'est bon? Ferme ta gueule. Oh là là, quel cinéma, alors. Bon. Dylan, tu vas t'excuser pour tout ce que tu m'as dit et je viens pas te casser la gueule. Comment ça, je vais m'excuser? Je m'appelle Dylan, j'ai un prénom de merde et je m'excuse, Michel. Comment ça, un prénom de merde? T'as vu ton prénom, quoi? Bah, je m'appelle Michel, moi c'est la France, toi c'est les États-Unis, toi. Hein, burger, sale bouffeur de burger. Ferme ta gueule, bouffon. Ouais, pollueur. Sale petit PD. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Dylan, bon, tu t'excuses? Tu t'excuses? Comment ça, je m'excuse pas. Vas-y, excuse-toi et on en reste là. Non, je m'excuse pas auprès de toi, t'es malade toi ou quoi? Vas-y, excuse-toi, on en reste là. Pourquoi faire, je m'excuse? Tranquille? À l'aise? Non, y'a rien de tranquille du tout, je vais t'enculer, tu vas voir. Mais non, tu vas pas le faire, tu sais pourquoi tu vas pas le faire? Pourquoi? Ah, tu sais pas pourquoi tu vas pas le faire? Tu vas voir si je vais pas le faire, je vais te retrouver, je vais te niquer ta race. Mais non, tu vas pas le faire parce que t'es en direct sur Énergie. Bah oui, c'était le merci pour ton ex. Ouah, c'est une blague. Ah non, bah oui, c'était une blague. Bon, après, je sais pas. Enfin, bon, t'es toujours célibataire, hein, à la fin. Mais... C'est la première fois qu'on fait le jeu, donc j'étais un petit peu perturbé dans le sens où je sais pas, est-ce que je disais à Dylan, bon, allez, casse-toi, merci, au revoir, et on ferme la boutique, et puis voilà, elle a gagné le cadeau. Ou alors, est-ce que, bon, voilà, on reste bon enfant, et. Mais, Dylan, non, quoi, t'as. Bien. Et du coup, tu regrettes de plus être avec Noémie? Ouais, tu mais diras, regrette pas pour l'instant. Noémie, on voit Polo est très occupé. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, après les mensurations qu'elle nous a données, je peux comprendre que tu regrettes un petit peu. Évidemment. Ouais, c'est bon. Ah oui. En même temps, faut pas être jaloux, Dylan. Hein, ça sert à rien. Bah, si, quand même. Bah non, la femme elle s'est barrée là. Regarde, elle s'est barrée là. Bah, il y a Polo qui est sur l'affaire. Top. Bon, il n'a aucune chance, mais on fait lui sur l'affaire quand même. Si, moi j'ai plus de chance que. Vu ses goûts, j'ai plus de chance que Polo sur cette affaire. Oui, c'est vrai. Parce que nous a décrit Dylan quand même, hein, qui ressemble à deux gouttes d'eau à Toff. Hein. Oui. Sauf que Toff est un peu plus gros. Gras. Gras. Bon, Noémie, tablette Samsung Galaxy Tab A, du coup, pour toi. Et puis, bon, bah. Ouais. Hey, Noémie, c'est mort avec Dylan ou il y a quand même une chance de. C'est mort. Noémie, laisse tomber. Envoie-moi un mail. Dylan, elle a dit je sais pas. Ouais, mais faites ça dans un mois, arrêtez de fumer là. Dylan, si t'es pas trop con, tu pourras peut-être la récupérer. Mais si t'es pas trop con, hein. Sors les fleurs et surtout, mens-lui. Mais non. Ouais. Un conseil venant de Polo. Mens-lui, mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente. Voilà. Mais fais ça bien. C'est voilà, tu lui dis que tu ne seras plus jaloux, que tu ne feras plus aucune scène et dès le premier jour, évidemment, tu remets le couvert. Et je tiens à préciser que PD, c'est homophobe, ne répète plus jamais ça. Tout à fait. Bon, salut Dylan, salut Noémie, gros bisous à vous. Salut. Bisous. Bon, et si vous avez envie, vous aussi, de faire le jeu demain, merci pour ton ex, vous voulez piéger votre ex, garçon ou fille, peu importe, hein, soit Samina, soit c'est moi qui jouons. Oui. Bah, vous appelez Seba au standard 01 40 71 5000, on jouera ensemble sans problème, peut-être une Xbox One pour vous demain, ou les bracelets connectés Fitbit. Je vous souhaite bonne chance. On va se faire les appels mal intentionnés, on va récupérer Rémi, Tarek et Rudy, et puis on va s'écouter le son de Dimitri Vegas et Like Mike. Allez voir la photo de Toff avant et après le relooking par Anastasia. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est sur Facebook, Twitter et sur Instagram, c'est horrible. Vous tapez M-I-K-L officiel, je dis c'est horrible, le travail est bien fait, c'est le résultat final de la gueule de Toff. Je c'est horrible, suis hein. Magnifique. Mais quelle angoisse. Je me plais. Moi j'accumule mon poutou sur le cul de ta mère, fille de pute. Voilà, on s'est bien résumé. Quoi. C'est Mickaël sur Énergie. Il y a JM qui dit trop plaisir de vous entendre. Votre émission est toujours aussi géniale. Bise à vous tous. Bah, c'est gentil, merci. Nouvelle équipe, nouveaux horaires, nouveaux cadeaux. Nouveau studio, nouveau casque, nouveau micro, nouveau standardiste, nouvelle photo. Mickaël, Tafolo et Amina sur Énergie de minuit à 4h. Que des nouveautés. Ah non. Tof a toujours une sale gueule et ça, ça ne changera pas. Dommage, vraiment dommage. Ouais, bah justement, tu en as mis ce jingle là avant le ravalement de façade de Tof par Anastasia, ouais. qui est une maquilleuse professionnelle qui est venue donc de Hâte en Belgique pour refaire la gueule de Tof. Et on a remis ce jingle là pour se rendre compte qu'il y a toujours une sale gueule, mais différente. Non, je suis la plus belle. Ouais, voilà, la photo avant après sur Facebook, Twitter et Instagram. Tapez M.I.K.L. officiel. Il y a Morgane qui dit c'est quoi ? Il est beau avant et après, ça lui va bien la perruque. Ouais. Merci, merci Morgane. T'as le droit d'avoir des goûts de chiottes. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va prendre Rémi qui est avec nous maintenant à Noisy-le-Grand. Salut Rémi. Ouais, salut. Ça va ? Ça va, tranquille et toi ? T'as vu la photo de Tof avant et après ? Non, j'ai pas pu voir encore. Je t'as bien raison. Non, mais surtout, va voir, mais à un autre moment. Tu sais, quand t'as demain. Déjà. Ouais, demain, quand t'auras eu le temps d'y réfléchir. Parce que là, j'ai peur que ça te gâche la nuit. C'est faux, je suis la plus belle. Ou pas. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Rémi ? Ouais, c'était par rapport, tu sais, au gage. Au gage ? Ouais. Les paris. Oui, on en parlait en début d'émission. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait des paris ridicules ? C'est vrai. Ouais. Et tu vois, en fait, moi, j'étais en cours de sport. Ouais. Ouais, je parle de ça, c'était au collège, tu vois. D'accord. Et on faisait un action et vérité. Et en fait, mon action, c'était de me foutre à poil et faire le tour du gymnase. D'accord, ouais. Et bien sûr, vu que je suis joueur, tu vois, je l'ai fait. Ouais. Alors, sur le coup et tout, tu vois, c'était drôle. Sauf que après, bah, je me suis pris une semaine. Une semaine, enfin, je me suis fait renvoyer une semaine. Alors, du coup, je te dis pas tout comment je me suis fait niquer. Ah bah oui, mais c'est tu normal. M'étonnes, oui, forcément, oui. Bah t'as fait de la merde en même temps. Exhibition. Ouais, c'est ça, ouais, ça peut chercher loin, ça peut aller chercher loin. Hein, mais, alors, loin. Maître Amina. Absolument. Maîtresse Amina. Ah oui, pardon. Alors. Bah attends. On risque combien ? Ah bah attends, exhibition sur un lieu public avec des mineurs. Alors là, c'est perpète. C'est la totale. Hein. Alors là, c'est t'es pendu, je pense. C'est terminé. Mais si lui-même est mineur. Ah. Ah bah quand même. Bah oui. Ah, il y en a qui sont encore plus mineurs que lui. Mais non, puis ils sont de la même classe. Pas forcément. Non, on était de la même classe. Si, on était de la même classe. Après, il peut y avoir. À part sortir tes lois bidons comme ça, il n'y a pas d'enquête. Hein. Après, il peut y avoir. Ça condamne à tour de bras. Il pourrait y avoir autour d'autres classes qui auraient pu le voir. Absolument. Des classes plus jeunes. Mais non, elle était en gymnase. Ouais, j'étais en gymnase, c'était fermé. Vous inquiétez pas, vous écoutez pas. Bon, écoutez, Polo, si vous voulez un vrai avocat, faut mettre le prix. Hein. Moi, c'est le minimum. Hein. On a Maître Peters, justement. Ah, voilà. Oui, du bonsoir. Oui, bonsoir, Maître Peters. Les vacances se sont bien passées ? Oui, on a ramené le caravane. Là, on l'a mis pour le nettoyage. Ah, d'accord, ok. Ah, bon, forcément, fin de vacances, quoi. Hein. Ah, bah oui, c'est le retour, c'est la reprise. Maître Peters, qui est avocat à la cour à Anvers, oui, en Belgique. Oui, le barreau d'Anvers. Voilà, c'est ça. Et qui, donc, notre avocat. Bah, c'est l'avocat de Polo. C'est ah ça. Oui. C'est mon avocat perso. Ça vous donne une idée pourquoi il y a des problèmes ? Mais non, il a. C'est quand même quand il n'a pas de problème, ça en crée des fois des non, problèmes. C'est pas génial. Vrai, il n'a jamais du problème, il est toujours dans le juste. Ah, et c'est aussi également l'avocat de Tof, hein. Ça vous donnera une idée de pourquoi il est fiché Banque de France jusqu'à la fin de sa vie et voir la descendance de sa descendance qui elle-même aura de la descendance de la descendance. Ils sont tous fichés déjà. Oui, mais ça, je peux rien si c'est un gros con avec son argent. Hein. Oui, après, ça, c'est un autre problème, effectivement. Là, je peux rien du faire avec. Non, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, vous avez un nouveau client, là, Seba, au standard. Là, qui... Oui. J'ai cru du comprendre. Voilà. Le problème de lui, c'est qu'il a du mal à mettre son nom dans le case du formulaire déjà. Hein. Ouais. Non, alors, ça, après, c'est. Qu'est-ce que tu veux, je fais de lui. Hein. Ah ben, bah, on peut rien faire. Hein, on peut rien faire. Non, ça c'est sûr. Hein. Bon ben, bah, en tout cas, contente de vous avoir de retour, Maître Peters, retour de vacances. Oui. Hein. Oui, bah, du plaisir. Bon, plaisir. Si on a un problème, on vous appelle. Hein. Oui, mais tu avais pas une question pour moi. Si, justement, oui, Rémi, là, si jamais il court, Amina, répétez la question. Oui, alors il court nu dans le gymnase. Que risque-tu que risque-t-il, Maître Peters ? C'est le gymnase, que c'est un cercle privé, donc pas du grand chose. Hein. Ah bah oui, évidemment. Oui. Ah d'accord, ok, très bien. Oui, c'est parce que si c'était dans le public, là c'est du différent, mais là c'est le privé. Donc, ah d'accord, ok. Oui, tout le monde a un gymnase privé, hein, c'est bien connu. Bah, non, mais c'est le gymnase de ton école. Oui, comme son école lui appartient. Ah, oui, non, mais voilà, donc c'est du privé, hein, c'est pas du public. On dit objection, Amina, et objection, on n'interrompt pas comme ça. Oui, non, si c'était une barque. Oui, bon, merci. Là, c'est du public. Là, c'est bon. Gymnase, c'est du privé. Eh ben, merci Rémi pour la petite histoire. Ouais, et j'avais une question. Dis-moi. Oui, je suis là. Non, merci. Allez, oui, Rémi. Du bon soir. Cher, au revoir. Oui, oui, bon, on les a pas encore reçus, mais les photos sont faites. Normalement, c'est à l'impression, en théorie, en tout cas. Donc, je vais te repasser ces bas, tu donnes tes coordonnées, puis dès qu'on les reçoit, ça partira. Mais si tu veux une photo de moi sur maîtrepeters.be, non, ça n'existe pas. Arrêtez de dire n'importe quoi. Bon. Tu peux aller faire une print, hein. C'est ça, ouais. Allez, salut Rémi, à bientôt. Salut, et continuez comme ça, vous êtes super. Ben, c'est gentil, Rémi. Je le remercie de te part. Oui, bon, ça ira, au revoir. Putain, c'est casse-couille, celui-là. Bon, on va s'écouter Zao, juste après, on se fait les appels mal intentionnés, et il y aura aussi The Parakeet. Et vous toutes et vous tous, en direct, 01 40 71 5000. Mais on peut pas écouter Marco Borsato. Non. Un message, il dit, j'ai un pote qui a tapé sa bite sur l'épaule d'un autre en classe, mort de rire, et il a juste eu deux heures de colle. C'est Valentin de Nancy. Ah bah, ça aurait pu aller chercher loin, hein. Ah bah, attends, ça, c'est quand même une agression, c'est pas bien. Ah ouais, une agression à base de bite, alors. Bah c'est oui. Pour vous dire, que ça peut être très très dur. On est au cœur de la nuit, sa pub. Passez une bonne nuit. La nuit, sa pub. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ambiance est bonne, non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura tapé. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle. Mais chacun sa version, laisse-les croire. Laisse-les jacter, t'es pas l'hypocrisie. On gravit les paliers, éloigne-moi des soucis. Je suis fatigué, j'ai pas leur temps. Je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde qui n'a pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura tapé. Laissez-les gourmands. Sur Énergie, bonne nuit. Tu les aimes, tu les détestes, mais t'écoutes, tu entends, tu peux pas t'en empêcher, tu les adores, tu ne peux pas arrêter. T'essaies de tout stopper, c'est dur, mais c'est plus fort que toi. Tu voudrais que ça se termine, mais t'es là. Toutes les nuits de minuit à 4h avec Mickaël sur Énergie. Bon, il y a un message de Sébastien sur le Facebook qui est arrivé. Salut Mickaël et l'équipe, j'ai vu la gueule de l'autre ordure de Toff et je suis chauffeur de camion poubelle, je peux le prendre avec moi mais dans le camion je le mets à l'arrière. Chouette, un voyage dans la benne. Eh bah voilà, ça c'est cool ça. Merci Sébastien pour ton offre, c'est très gentil. Bon, The Parakeet dans quelques minutes et on se fait les appels mal intentionnés maintenant. Appel mal intentionné avec cette étude canadienne qui dit qu'il faut au minimum 30 minutes de préliminaire, pas moins, pour qu'un rapport sexuel soit satisfaisant. Donc Toff, vérification avec tes amis grâce au numéro que évidemment. Eh ben on t'envoie comme tous les soirs hein, sur ton mail toph@energie.com. On y va, on appelle. C'est parti. Ce sera bien le petit tour en camion de poubelle. Allô. Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle parce que je voulais savoir combien de temps vous aimez que ça dure les préliminaires. Pardon. Vous aimez que les préliminaires durent combien de temps, monsieur? Non, mais vous avez pété les plans ou quoi? Pourquoi vous m'appelez? Vous me demandez ça? Bah, pour savoir, monsieur. Sinon, je vous appellerai pas. Vas-y, demande-moi. Bah oui, mais répondez à ma question, monsieur. Vas-y, bouge. Hein. Bah non, moi je veux pas bouger, monsieur. Moi, je veux vous répondre à ma question. Ah, mais il a raccroché, il va pas répondre tout de suite. Hein. On va le rappeler. Il avait l'air à moitié endormi. Bon, tu me diras à cette heure-ci, c'est normal, mais. Quand même. Oh, va niquer tes mots. Oui, mais je m'excuse, monsieur, parce qu'on a été coupé, du coup, vous m'avez pas dit. Je m'en bats les couilles de ta vie, va te faire enculer, tu as compris? Bah non, je comprends pas. Tu me dis ça, tu es pas un fou, toi? Bah non, monsieur, enfin pourquoi vous dites ça? Vas-y, arrête de prendre les gens pour des cons. Bah, je vous prends pas pour un con, monsieur. Moi, je veux juste savoir vas-y, combien. Vas-y, tais-toi. Bah, oui, je veux bien me taire, monsieur, mais alors répondez à la question. Ah, bah vas-y, bah, rappelle pas, tu as compris? Ah, bah non, moi, si vous répondez pas, je suis obligé de vous rappeler, monsieur. Ah, ouais, bon, allez, tu as raison, ça va. Bah oui, j'ai raison, monsieur. Allez, va te faire encadrer. Encadrer? Mais encadrer dans quoi, monsieur? Ah, dans le camion de poubelle, peut-être, hein. Ça aura pu être une idée. Bon, on rappelle encore une fois. C'est pas mal comme idée. Bah ouais, franchement, ça me paraît pas mal. Oui, je m'excuse, monsieur, je sais vraiment pas ce qui se passe, mais on a encore été coupé. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? D'où tu as mon numéro? 118-218, monsieur, toutou youtou. Oh, c'est malade, tu sais quoi, c'est la radio, c'est la télé, c'est quoi? Non, en fait, je vous appelle de chez moi pour vous poser une question, monsieur, c'est tout. Tu es vraiment un gros enculé, toi. Mais pas du tout, monsieur, enfin, pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai envie de t'insulter, de gros fils de pute. Oh non, monsieur, non, ça se fait pas, ça se dit pas des choses comme ça. D'où tu viens, toi? De Paris, monsieur. De Paris? Mais qu'est-ce que tu fais à Paris? Ah bah rien, je suis chômeur, monsieur. T'es chômeur? Oui. Mais t'es quoi? Mais t'es un grand malade, toi. Mais pas du tout, monsieur. T'as que ça à faire, en fait. Ah bah oui, bah oui, comme je suis chômeur, du coup, j'ai le temps, quoi. T'es un fada, toi? Bah non, pas du tout. C'est juste pour savoir, monsieur. 30 secondes. Ah, 30 secondes, pas plus. Ouais. Bon, d'accord. Eh bah parfait. Bah je vous remercie, monsieur. Allez, ciao. Une bonne soirée. Et ben voilà, 30 secondes. Au moins, on a eu une réponse. Mieux vaut tard que jamais. Bah oui, c'est clair. Bon, et ben on fera d'autres tout à l'heure, dans moins d'une heure, dans leur sup. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, d'amis ou d'ennemis, en tout cas, ça reste anonyme dans tous les cas, vous envoyez le numéro de téléphone sur le mail de Tof. C'est toph@energie.com. Et il y a Rudy, justement, qui voulait réagir à Bouvy. Salut, Rudy. Bonjour, Mickaël. Salut, Rudy. Comment ça va? Ça va. Bon, bah, bienvenue, Rudy. Alors, mais raconte, tu voulais réagir aux préliminaires, toi, par rapport aux appels mal intentionnés. Ça tombe bien, justement, on en parle, raconte. Ah bah oui, écoute, moi, pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec Amina. Les préliminaires, il y a tout, je vais dire, c'est une préparation. Ah oui, Amina, tu disais tout à l'heure que les préliminaires, ça démarrait même au bisou-bisou. Mais en vrai, oui, ça compte. Ah bah ouais. On croûte dans le cou. Oui. Ouais. À partir du moment où tu passes à l'acte. Disons que à partir du moment, je suis d'accord avec vous aussi, à partir du moment où tu sais que tu vas casser les pattes arrière. Oh là là. Mais non, ah mais. Oui, mais les préliminaires, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui t'emmène à baiser, quoi. Non, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui se passe avant. Mais oui, mais. Bah oui. Baiser. Mais avant. Pas avant manger, tu vas pas manger de la soupe. Si tu fourres pas, il n'y a pas de préliminaire. Mais oui. Voilà. Mais justement, mais. Si maintenant, il n'y a pas de préliminaire, sans faire l'amour, c'est baiser directement. Et pour ça, il y a de bordel. Non, mais après, mais attends. Non, attends. Tu peux évidemment faire l'amour avec ta copine, tu peux aussi baiser avec ta copine. C'est deux trucs différents. C'est un peu le côté un peu plus hard, on va dire ça comme ça, mais c'est deux trucs différents. Mais oui. C'est pas parce que tu dis baiser que automatiquement tu fais ça qu'avec des putes. Ah non, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu dis, tu parles de bordel. Tu parles de bordel. Non, mais je veux dire par là, c'est que, allez, si t'es pressé, ouais, tu fais pas les préliminaires, mais bon, voilà, moi, allez, j'ai dit, à partir du moment où tu commences, faut pas être pressé, quoi. Non, mais c'est sûr. Bah, en même temps, c'est le mieux hein, dans une relation. Moi, je préfère une préliminaire que la pénétration d'elle-même. Hein. Je sais que Polo, lui, non, lui, il préfère bourrer. Bah, bah, oui, ça n'a aucun intérêt si tu ne voilà. Pas. Non, mais de faire des bisous, de se toucher, de se mettre des doigts. Se parler, aucun intérêt, quoi. Mais bien sûr que c'est aucun intérêt. Mais non, mais c'est quel est l'intérêt? Tu parles après ou avant? Oh là là. Mais à un moment donné, il faut segmentariser les choses. Ah ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Mais s'il n'y a pas de pénétration, aucune raison d'être avec la meuf. Non, si tu l'encules pas, si tu la baisses pas, ah, ça ira, merci. Si tu la chevauches pas comme un âne. Bon, et eh ben écoute, merci en tout cas, Rudy, pour l'appel. Tu n'hésites pas, tu nous rappelles quand tu veux, évidemment. Il n'y a pas de souci. Par contre, comme je t'ai dit tantôt, si tu veux, je peux proposer à Top. Hein. Moi, je suis en camion tampon, donc il n'y a pas de problème. Hein. Il prendra du plaisir. C'est-à-dire quoi? C'est quand il y a des règles, tu t'arrives avec ton. Non, un camion tampon, en fait, c'est un absorbeur de choc. Je suis payé pour prendre dans le derrière, si tu veux. Mais t'absorbes quel choc? Ben, choc de voiture, choc de camion, choc de tout, quoi. Mais comment ça? Mais alors, mais quoi, c'est... Je comprends pas l'intérêt. T'es sur la route, comme ça, et paf, tu prends un choc. Il crée des accidents. Ouais, c'est ça. L'autre qui pisse sur les freins, bam. Bon, alors, on va vérifier s'il a survécu. Ah non, ben, il faut encore améliorer ça et ça. On va corriger pour le prochain coup. C'est quoi cette histoire? Je suis dans une entreprise d'entretien de voirie et devant moi, il y a des ouvriers qui travaillent soit en camion ou à pied. Et moi, je me mets à 100 mètres d'eux et je suis là pour éviter que les voitures les renversent. Quoi. Ah, et comme ça, si les voitures ne voient rien, bah, en fait, elles te rentrent dedans, quoi. Voilà, exactement. Mais ça évite parce que... Mais tu sais qu'avec... si tu prends Toff dans le camion, ça va porter la poisse, tes voitures vont rentrer dedans, ça va finir en carambolage. Ah non, mais ça, c'est pas grave, je veux dire. Ah, c'est pas grave. Bon, ouais. Alors si c'est pas grave. Au moins, je serais payé pour ça, quoi. Voilà, qu'il y ait des morts, quoi. Hein, c'est... Non, pas bon, hein, parce que généralement, je veux dire, il y a jamais de mort dans ce genre d'accident. Ah bon, bon. Généralement. Ah, c'est quand tu te prends un camion à l'arrêt et que toi, t'arrives à 130 km/h, il n'y a pas de mort. C'est-à-dire que le mec, il a fait le tour de la Terre tellement il est éjecté rapidement, mais. Justement, c'est pour ça qu'on appelle ça un absorbeur de choc, parce que justement, il diminue le choc. Ah, il diminue le choc. Ah, d'accord, oui. Ok. C'est un peu comme je me mets à la place de Polo. C'est un peu comme quand t'en cul une meuf qui a gros cul, quoi. Ça diminue le choc. Voilà. Voilà, là tu parles vrai. Mais là tout de suite plus. Ah, you speak real. Ouais, the real man. Un gros cul là. Oh. Mais quel dégueulasse. Ah oui, non, bah, j'imagine. Amina va venir avec une croix et de l'ail bientôt parce que je crois qu'elle nous prend pour des vampires. À chaque fois, mon cœur. Ah. Ah. Comment ça t'aide, pas bien. Elle est pas bien là. Tu le vois. Et non, elle est pas bien. Bon, Rudy. Ah, mais là, par contre, tu vois que je suis tout à fait d'accord avec toi parce que là, t'auras même plus besoin de préliminaires. Ah, tu vois, finalement, voyons le côté positif. Bon, merci d'avoir appelé Rudy, en tout cas, passe une bonne nuit. Allez, bisous, je vous adore. Salut, Rudy, merci beaucoup, ciao à toi. Bon, on va se faire le polo chaud dans quelques minutes si vous voulez participer. 01 40 71 5000. Et on va se faire le son de Parakeet maintenant. On est au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël sur l'énergie, 2h47. Et le polo chaud juste après ça. About to land, after years of joy. It's a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. Afraid to run, I'm scared without my chains. On est sur Énergie, bonne nuit tout le monde. Qui va suivre Sib également, leur sub bien sûr avec les appels mal intentionnés tout à l'heure. Et puis le polo show, c'est le défouloir, c'est maintenant. Ladies and gentlemen. Ouais. C'est le polo show les petits gars, le polo show. 01 40 71 5000, vous êtes dans le polo show. Michel à l'aria. Ouais, je suis là, ouais. Le plus mauvais aria de la terre. C'est Twitter d'émission, hein. C'est hashtag michbich et bientôt mon compte certifié. On s'en branle de ton compte certifié de merde, t'as personne dessus, tu vas pas nous casser les couilles. Je suis sur le point de lancer un Snapchat également. C'est de la merde. Et Instagram, michbich. C'est bon, t'as fini? Ouais. Bon, Sergueï, Christophe et le tocard sont standards. N'hésitez, n'appelez pas parce qu'en fait, il en a rien à foutre. Là, il fait autre chose, il mange du cake ou je sais pas quoi. Donc. C'est protéiné. Voilà, essayez d'appeler. Si ça répond pas, c'est pas grave. L'autre con de Christophe est en train de se faire démaquiller. Donc, si vous voulez, j'ai l'équipe des tocards avec moi. Donc, n'hésitez pas à ne pas appeler. Hein. 01 40 75 ta gueule, quoi. Ouais, bah ouais. Bah, de toute façon, t'es devenu bon depuis qu'il y a d'autres phénomènes qui travaillent. Sergueï, on t'écoute. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Bah, c'était par rapport au omnivore carnivore. Oh putain, mais je m'en branle, moi, de vos merdes là. Bouffe de la viande si tu veux, bouffe des légumes, bouffe de l'herbe si tu veux. Non, mais c'est pas par rapport à ça, c'est tout simplement que t'arrives pas à prouver le contraire. Tu me dis de la merde depuis tout à l'heure. Mais attends, Sergueï. Oui, vas-y. T'as quel âge? 19. T'as fait quoi comme étude? Pas fait de grande étude, il faut alors pas ferme être, la, faut ferme être intelligent pour savoir. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question d'intelligence. Justement, pas une question d'intelligence, c'est pas toi qui décides. Ce n'est pas toi qui décides si on est omnivore ou carnivore. Mais exactement, c'est pas toi qui décides non plus. Mais t'es fait comme ça, quoi. C'est toi qui arrives sur tes grands chevaux, espèce d'abruti, va. Tu viens nous dire, oui, tu es comme ça, j'ai comme ça, mais t'en sais rien. Tu bouffes de la merde. Ta gueule, toi, bouffe de la merde. Allez, casse-toi. Antoine. L'être humain, il mange pas de viande. Qu'est-ce que tu veux ? Il est herbivore. Pourquoi les femmes ont deux paires de jambes ? J'ai oublié. De quoi, répète ? Répète ! Pourquoi les femmes ont deux paires de lèvres ? Je sais pas. Une pour dire des conneries et l'autre pour se faire pardonner. C'est pas mal, pas mal. Florian, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ouais, dédicace au Warren Hamsou en Bretagne. Ouais, c'est tout. Bah non, tu sais comment on a grandi l'espace vie d'une femme ? Les quoi ? L'espace de vie d'une femme. Je sais pas. Ah bah tu lui as grandi la cuisine. C'est pas drôle, dégage, Sergio. Ouais, salut Polo. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? T'as raison, hein, on est carnivore. Moi je lui croque le cul à rien. Non, on n'est pas carnivore. On est omnivore. Omnivore, je t'ai dit, viens avec ton crucifix qu'on a, Yamina. Ouais. Et puis tes balles en argent. Les conneries qu'on raconte dans l'émission, elles doivent bien mouiller de la chatte. Non, ouais, Sergio, ça suffit, c'est pas possible. Sergio! Oui. Faut pas dire ça, c'est pas bien, c'est homophobe. C'est fou, ça doit ruisseler là-bas. Non, je peux pas. Nelson, on t'écoute, 01 40 71 5000, bienvenue dans le Polo Show. Nelson? Ouais. Magne-toi. Ça t'intéresse pas pour ouais, j'ai un problème quand je file ma copine. Quoi? J'ai un problème. Quoi? Quand je file ma copine, eh ben je débande. Mais arrête de faire ça, mec, t'es pas un acteur porno, mon gueule, va Starguest. Ouais. Allez, je voulais dire Jean-Bert Starguest. Vive les Uber, en bas les taxis. Ouais, c'est bien, ta mère, à plus, ouais. Bon, dis-moi, finalement, c'était tof là sur la photo là avec la perruque et tout. Ouais. Non, c'était bien, ta mère. Tu l'as pas reconnue. Je croyais que c'était la mère à Michel. J'allais venir pour la BPV. J'en ai rien à foutre de vos problèmes avec vos mères ou je sais pas quoi, là, ou je sais pas quoi. Starguest, t'es là? Ouais, bien. Reste là. Eric de Monfion, on t'écoute. Non, je suis carnivore, je bouffe des saucisses, moi. Mais Eric, t'es dégueulasse, t'as un gros tas de merde. Je mouille. Eric de Monfion, t'as un gros tas de merde. Ouais, tu peux trouver une solution là, pour mon téléphone ou pas? Bah écoute, j'ai lancé. Eric, je peux pas tout faire, j'ai lancé un truc. Je te cherche déjà un god, une grosse gaine. Oh non, arrête, tu connais. Non, mais écoute, si quelqu'un en a un, t'inquiète. Eric de Macon, non, Rémi de Macon, putain. Salut, Polo. Qu'est-ce que tu veux? Arrête de me saluer, mène-toi. Eh, hey, l'autre connard là, avec son omnivore là, c'est son végétarien là, on va lui faire enfiler une pastèque dans le cul, il va y comprendre. Hein. J'ai rien compris, pourquoi tu veux lui mettre une pastèque dans le cul? Bah, il nous fait chier, c'est pour ça. D'accord. Et puis j'ai un défi à lancer à Jackie. Vas-y. Quand il veut, sur un ring. Il va te défoncer, Rémi de Macon, laisse-le tranquille. Ça me fait pas peur, ça me fait pas peur. Non, c'est pas une question de peur, je veux pas avoir de problème. Moi, je vais comme par hasard, je vais me retrouver dedans. Et Toff va finir en prison. C'est comme, toujours comme ça que ça se passe. Mais si, on va essayer. Mais si, on va se... Allez, dégage. Oh là là, qu'est-ce qui me gonfle. Là, Sergueï, le bouffeur de légumes, qu'est-ce que tu veux? Mais je suis pas un bouffeur de légumes, je t'explique juste un fait. On est mais c'est pas un ça, fait. On est t'explique parce que tu comprends rien. On est pas fait pour manger de la viande. Tu veux encore un exemple? Tu veux encore un exemple? C'est pas un fait. Okay. Tu n'en sais rien, mon gueule. Mais regarde, ok. Mets un carnivore dans une cage. Avec mais on n'est pas carnivore. On est omnivore. On mange de tout. On n'est pas omnivore. Non. Pourquoi alors on a plein de maladies à cause de manger la viande? Et tu sais combien? Et tu sais que si tu manges pas un minimum de viande ou de tout ce qui est... Non, t'as pas besoin de manger de la viande. T'as bon bah pas tu besoin. Sais tout, bah écarte-toi, vas-y, parle tout seul, parle devant. Eh, hey, Sergueï, parle devant ton miroir, vénères. Comme ça tu vas te donner raison. Il est con lui. Ça s'appelle une discussion. Moi je garde mon calme. Moi je garde mon calme. Je suis très calme. Tu ne veux pas écouter. Donc tu vas faire un truc, tu vas aller dans tes chiottes. Tu vas prendre un miroir et tu vas parler devant ton miroir et tu vas te dire « Ah, t'as raison, Sergueï, qu'est-ce que tu es beau, Sergueï, t'as raison, on est en hiver. » Mais d'où tu sors des blagues de 3 ans? C'est pas des blagues de 3 ans, mais t'es un abruti. Mais tu vas faire ça, mais puisque c'est ce que tu veux. Sergueï, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Regarde, hop, j'appuie sur le bouton, c'est moi qui commande. C'est ce que tu veux. Vas-y, appuie. Voilà, c'est ce que tu veux en fait. C'est ce que tu veux, tu vois. Allez, dégage. Antoine. Oui. Vas-y, Antoine. Quel est le point commun entre du sperme et le mensonge? J'en sais rien. Le plus dur, c'est de l'avaler. Ah, pas mal, Antoine, j'aime beaucoup. J'ai jamais fait, mais je le ferai jamais d'ailleurs. Mounce. Oui, c'est moi. Ouais, je sais, question. Ouais, qu'est-ce que je veux? Bah, moi, je veux participer un peu. À quoi? Participer à quoi? Bah, j'ai un petit problème là. J'ai mon voisin, il a écrasé mon chat en passant la tondeuse là. Et du coup. J'en ai rien à foutre, dégage. Laurent, fais-en un tricot. Fais-en un manchon. Pour la chaleur pendant l'hiver. Laurent! Dégage. Remplis-moi mon standard au lieu de rigoler bêtement, là, l'abruti Joël. Ouais, c'est le polo. J'ai plus de nouvelles de Virginie du 5-9, moi je m'inquiète. Mais tu la connais pas personnellement aussi? Bah non, je la connais pas, mais elle a une voix charmante. Mais non, mais c'est pas vrai, Joël, tu peux pas dire ça. C'est bien. Mais si. Bon, dégage, tu te fous de ma gueule. Starguest! Ouais, qu'est-ce alors veux le mec, apparemment, il veut lui mettre une pastèque dans le cul, j'ai bien entendu. Ouais. Eh ben moi, je peux mettre un concombre dans la chatte à Mina. Ah, oh non, pas Mina, non. On va avoir des problèmes. Éric de Monfion. Ouais, ah oui, mais Mina, c'est ça, tu t'attendais à quoi? Éric de Monfion. Ouais. Ouais, je disais, moi, le mensonge, je l'égobe, c'est comme les couilles, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, Eric? Qu'est-ce que tu me prends la tête avec ton mensonge et tes couilles, toi? T'es pas bien ou quoi? Ouais, t'as rien compris, parce que je t'aime. Mais non, j'ai rien compris, ouais. Alpha! Alpha! Eh ben, Alpha, il est là! Et c'est juste pour dire que Camina, elle est une petite bite d'abeille. Et je le sais, je sais de quoi je parle. Voilà! De quoi? Ok! Ouais, t'as entendu, Polo! Non, j'ai pas entendu, Mongol, si je te dis de répéter! Eh ben, le Mongol va répéter nos problèmes! Je te dis que la petite Amina, elle a une bite. Oh, dégage, mais je peux pas. Tu vois, il y a des moments, t'as envie de taper ce putain de standard. De tu vois, tu leur donnes la liberté de parler et le mec te prend la tête. Regarde, il y a au-dessus, attendez, regardez, vous êtes prêts? Regardez les gens. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tu peux t'exprimer. Ils peuvent venir faire de la poésie, parler de littérature, parler de philosophie, parler de plein de choses. Non, allez, Sergueï! Oui. Allez, vas-y. J'ai une nouvelle info. Tu savais que. Dans la cuisine, le lapin était de la volaille. Et tu sais quoi, Sergueï, si je t'avais en face de moi, je te mettrais une droite dans la gueule. Bah ouais. Juste pour t'apprendre la vie. Dégage. Antoine. C'est vraiment chier, le russe. C'est pas un russe. Eh, dis-lui, Antoine. Dis-lui. Sergueï, il y a Antoine, il veut te parler. Dis-lui, Antoine. Dis-moi. Ouais, non, mais Sergueï, c'est un russe, là. Non, je suis pas un russe. Non, là, t'as tort. Bon, allez. Bon, vas-y, Antoine, on t'écoute. Ouais, j'avais une blague. Quel est le point commun entre un cunnilingus et un lapsus? Je sais pas. Une erreur de langue, vous êtes... C'est pas mal, Anthony. Ouais, Polo. Ouais. Ah, bon, je vais faire une petite dédicace à tous les routiers de la night. Et à vous... Ça, j'ai passé. Bic, Mike. Ouais. Mike. Ouais, j'appelle juste pour l'autre, là, Amina. Ouais, je voulais savoir, là. Dégage. Lilian. Oui. T'aimes bien chanter? Non. Non, bah dommage, j'utilise ton micro-pénis. Ah, c'est drôle ça. j'aime elle est où la vanne? Elle est où la vanne? Ah bon, faut la chercher. Bah ouais, non, mais non, une vanne ça s'explique pas. Si, tu, si elle est pas drôle, elle est pas drôle. T'aimes bien chanter? Ah, bah, non, bah utilise ton micro pénis. Elle est où la vanne? Elle est là. Elle est où? Elle est là. Tu vois, tu fais moins le malin. Hein. Tu pensais que j'allais te raccrocher au nez, t'allais bomber le torse devant tes potes, dire t'as vu, bah raccrocher au nez, c'est parce qu'il est vénère, parce qu'il a pas compris, parce que c'est un idiot, parce qu'il est vieux, parce mais que. Non. Alors quoi, elle est où la vanne? Elle est où la vanne? C'est toi le mongol. Dégage, mongol. Stargaz, on t'écoute. Bah, Prolo, c'est vrai que t'es plus très jeune. Hein. C'est vrai, ouais. Et alors? Il y a plus qu'à regarder ton crâne. Hein. Et alors? Non, et alors, bah, je baise la mère à Michel, super, voilà. Super, voilà, tu vois, quand tu veux. Eric de Monfion, conclusion, on se barre. Ouais. Dégage. Tacha, conclusion, on se barre. Tacha? Bon, pas de Tacha. Sergio, non. Georges Leroutier? Ouais, salut Polo. Qu'est-ce que tu veux? T'as déjà un écureuil qui est monté sur ta... Non, Antoine. Ouais, Polo, t'aimes bien danser? Non. Bah, utilise ton micro-pénis. Là, c'est drôle. Y a pas de raison, mais c'est drôle. Sergueï, allez, finis avec ton omnivore et ton carnivore, là. Ouais, d'accord, bah, je finis avec une autre nouvelle. Le lapin, c'est de la volaille. Super, bah, Sergueï. La viande de lapin, c'est de la volaille. Voilà, est-ce super. Allez, casse-toi, dégage d'ici. T'es bête, tu resteras bête toute ta vie, Stargeist. Ouais, Sergueï, je vais mettre la main dans ta chatte à ta mère, fils de pute. Bon, super, Stargeist. Moi, j'accumule mon couteau sur le cul de ta mère, fils de pute. Et Antoine, mon préféré, conclusion. Quelle est la différence? Non, j'ai déjà fait. Non, mais j'ai plus rien là. Bon, tu reviens demain, Antoine? Bah oui, je reviens demain. On est des enculés, c'est vrai! Sus Christophe! Et ben voilà, très bien. Bon retour du Polo Show demain, évidemment. Avec on plaisir. Va se faire Kilvé à suivre dans un instant. Et puis, qu'est-ce qu'on va se faire aussi? Alvaro Soler, maintenant sur Énergie. Tiens, allez hop, c'est parti. Appel mal intentionné dans moins de 30 minutes. On est là jusqu'à 4h du mat, comme toutes les nuits. Passez une bonne soirée, tout le monde. Sin preocupación en el corazón, sigo viendo aquel momento se desvanece.